Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh, bonjour. La musique. C'est pas agréable, c'est pas agréable. C'est parti pour la musique. Bonjour. J'avais oublié la puissance de ton clap. Tu captes, à chaque fois j'enlève ma bague en plus, ça prend du temps. Pour pas te faire mal. C'est bon, je l'ai remis. Hop. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Vous l'avez entendu, un numéro de Zikos. Ouais. Il y avait de la musique dès le début. Trois invités, comme à l'accoutumée, je vais vous faire les présentations. Elle est auteure, compositrice, dessinatrice et chanteuse. Elle a publié en 2009 l'album, Nice to Meet You. Son nouvel album sort très bientôt. Tu as la date d'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, mais très bientôt. Mais vous pouvez déjà vous jeter sur le premier extrait, à savoir la chanson Bisous. Très bon timing d'ailleurs, en pleine pandémie. Une chanson qui s'appelle Bisous. C'est un affront. Plus qu'une chanson, un affront. Elle s'appelle Pyjama. Ouais. Je suis hyper sensible en fait. Si vous pouviez arrêter de faire ça. Moi, je suis un zèbre, donc salut. Mais l'animal, en l'occurrence. Oui. Rien à voir avec. Il a publié son premier album solo intitulé @ ou @ Je ne sais pas comment on dit. @. Vous l'avez pas. Aussi vu sur YouTube. On t'avait jamais posé la question avant. Clairement, t'as fait @. Je sais pas. Prêt. Quoi? Ça se dit @ Je sais pas. Non, je dis @. Je dis @. Et c'est plutôt un EP. Oh, okay. Mais c'est pas grave. Tu veux, je me casse, hein. Oui. Vous l'avez aussi vu sur YouTube dans différents clips de cheveux à l'émégo en passant par Petit Poisson. On l'a vu en feed dans des vidéos dans lesquelles aussi. Il fait le zozo. Oui. Il est aussi comédien, flûtiste et trésor national de Nîmes avec les arènes, la place de l'horloge et le Titanic Kebab de la rue Aspic. C'est Maxence Lapéry. Moins fort. Incroyable, le Titanic. C'est fou. Auteur, compositeur, claviériste, il a sorti l'été dernier l'EP Bagarre, très productif sur Insta, vous pouvez voir ses freestyle pop. Il était aussi en première partie d'Angèle et de Maxence, en l'occurrence. Il est la version humaine de Elmer l'éléphant, c'est Julien Granel. Bonsoir tout le monde. Vous avez bonsoir. La rêve, vous avez la rêve. Bien sûr, bien sûr. La rêve. Il faut savoir quand même que dans la vraie vie, yes, allez, je fais de la zik. Adrien, il m'envoie tous les posts où il y a un peu de couleur dessus, il fait hey, « Eh, ça là, c'est pas un peu toi ?» Et maintenant derrière toi, il y a un livre un peu toi là. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Du coup, maintenant, j'anticipe dès que je vois une photo avec des, genre, j'ai vu une photo avec des moutons de couleur et je lui envoie, je lui dis hey, « Eh, les moutons là, on dirait pas un peu… » Qui bah, va se lasser le premier. Vous l'avez c'est négatif en fait. Que tu bien. Pardon, excuse-moi. Vous savez ce que c'est un zèbre ou pas? Parce que quand j'ai dit. T'as oui, je sais. Oui, oui, oui. Je sais, bah, si on commence à expliquer les blagues. Non, mais. Je voulais savoir si c'était de l'incompréhension ou si j'étais pas drôle. J'ai pas réagi parce que j'ai compris vu que j'en suis un aussi. Ah ouais. C'est un autre podcast où on explique toutes les blagues. L'animal. Zèbre. L'animal. Vous l'avez remarqué. Ou Zebda, le chanteur. Zebda. Tu sais qui est Zebda? Ça parle là-dessus. Cana. Plantation. Vous ouais. l'avez remarqué, c'est un épisode de Jeunes Zikos aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis aussi heureux d'accueillir ce freestyler invétéré d'à peine plus de 25 ans. Ok, boomer. On l'appelle le All Clean Bastard, le Snoop Frankie Dog. Il est le leader des SJWL, les Saint-Germainois Ouvre Attitude. Oh. La série validée, c'est son biopic. C'est Adrien Méniel. Oh, allez. C'est vrai qu'on a tous le même âge, un peu plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Comme à l'accoutumée, on commence avec le petit tour de l'actualité. Oh. Eh oui, bah je change de, je change de musique. En fait, vu qu'on va peut-être faire de la thune avec ce podcast à terme, j'enlève pas sûr d'avoir les droits. Exactement, j'enlève tout ce qui pourrait nous coûter des thunes. Je comprends. Alors déjà, je vais commencer par un petit mea culpa par rapport à la dernière émission. Ah oui. Parce qu'on m'a, bien voilà, sûr. on m'a tiré les oreilles, on m'a tiré les la veste oreilles sur les réseaux sociaux. Les jeunes disent tirer la veste. Bah nous les jeunes. Il est notre quotient jeune autour de la table. Bah d'ailleurs, t'adores les graffitis, je crois. Oh là là. Le street art. Ma phobie. L'histoire du miel au cannabis, dont et nous oui. avons parlé à la dernière émission, était apparemment entièrement fake. Fausse. D'ailleurs, qui l'avait dit en live pendant toi, l'émission que c'était faux? Bah, moi. Bah, bien voilà. sûr, on ne lui a fait pas. Donc voilà. Votre tweet de merde pour dire que c'est faux, on l'avait déjà dit. Non, non mais clairement, le passage de la vieille, il était. Mais tout était faux. Tout était faux. Tout était faux. Mais oui. Donc voilà, je présente mes excuses et j'en tire les conclusions. Je me retire de la vie politique. Je juste comprends ça, rien ça... du tout. Ouais. Ouais, t'as 4 fans. T'as 4 fans comme nous. Non, mais en... Pardon, excuse-moi. Bah pour t'expliquer, Pauline ou pyjama, je peux t'appeler Pauline. Quoi Pauline. Non. Et d'ailleurs, PAU, jamais. Bah ouais, du coup, tout le temps. Personne fait ça. Bah, anciennement Poppy. On peut révéler ça en grand jour. Exactement, ouais. Les jeunes disent popo, PAU, oui, PAU, je crois. Alors justement, pops. C'est là où tu te trahis à chaque fois. C'est sur Peps, les orthographes. Liberta. Je vais en lâcher quelques-uns de temps en temps comme ça. Popples, j'avais. Appelons-moi pute, sinon. Oh, c'est plus court. Non. Bah, non, mais il fallait que je le dise. On dirait un livre. Je sais que je fais exprès de l'écrire comme ça parce que c'est nul. C'est vrai. Bah oui. Ah bah tu vois ça par exemple, j'avais pas compris. Joseph Poulpo beatbox. J'ai pas dit. La nouvelle star, le mec qui a fait la beatbox. Tout le monde connaît pas Nouvelle Star. On n'a pas tout fait Nouvelle Star. Mais alors Nouvelle Star 2002. Oh pardon, j'ai lâché le mot Nouvelle Star très tôt dans ce podcast. C'est deux mots. On va en reparler de Nouvelle Star. Oh là là, du calme. Ah non, excusez-moi, tout le monde souffle déjà. Je souffle dans le micro. Alors pour t'expliquer, Pauline, en fait, il y a un petit jeu en début d'émission où je vous pose des questions sur des actus un peu insolites et il faut deviner ce qui s'est passé. Voilà, tu vois, ça va être très simple. Je vais te montrer un exemple, ça va être très simple. En Angleterre, par exemple, ma voix est partie. En Angleterre, c'était bien, ça donnait un petit, ça nous a relancé un peu. Le géant des assurances Aviva a constaté une explosion des accidents domestiques concernant un appareil bien particulier, bien précis. Depuis le début de la pandémie, les aspirateurs. Avis, lequel? Les aspirateurs avec les non? Avec le machine à la queue, pain. La queue des gars. Pour moi, c'est ça. Il était bah quoi? Mais bon. Vous croyez vous foutez les pieds où? Moi, je sors pas de chez moi. Moi, je sors pas de chez moi en fait. Personne sort d'ici. Il y a eu les téléphones à un moment, mais ça, c'était vraiment à ton époque, Adrien. Les téléphones là, il y avait la rumeur de pas le laisser brancher quand t'appelais à quelqu'un. Sinon, ça faisait du pop-corn après. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Alors, ce n'est pas ça. Les machines à pain. Pas les machines à pain. Mais c'est vrai qu'il y a eu des machines à laver. Pas les machines à laver, non. C'est un truc. Un appareil domestique, enfin, genre. Non, pas. Franchement, ça. C'est tout le monde truc, ne peut pas se lâcher. C'est un truc sexuel. Pas du tout sexuel. Ah, mais est-ce que les accidents sont liés à un c'est truc sexuel? C'est pas sexuel, okay, non, les accidents n'ont rien à voir avec le sexe. Pas tout le monde. J'ai perdu tout intérêt dans cette anecdote. Mais moi, le très problème, décevant. C'est quand on joue à des jeux comme ça, ça m'énerve. Pas tout le monde. C'est vrai que t'as l'air survolté là. Elle a levé le poing comme j'ai ça. J'ai envie de soulever la table, mais elle est super lourde. Là, ses yeux sont gorgés de sang. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point elle est. C'est ultra mes yeux. Je vais un peu la regarder. Un appareil électrique. Hein. Qui a explosé. Pas forcément électrique. En vrai, si je crois que c'est électrique. Vélo d'appartement? Non. Un rasoir. C'est des trucs de muscu? Les lives Instagram ont explosé. Ouais. C'est pas ça. Les lives de Julien Granel ont explosé. Aussi. Non, rien à voir, mais c'est dites-vous qu'il faut quand même avoir de l'argent pour s'acheter ça. Ah et ça a quand même explosé en Angleterre depuis le début du confinement. Ok, c'est spécifiquement en Angleterre. Brosse à dents? Pas les brosses à dents. Et c'est à la maison? Des pancakes? Non. Une vis? Des gardes? C'est culinaire ou pas? C'est lié à la nourriture? C'est pas du tout lié à la nourriture. Un stylo? Et le... Un sèche-cheveux? Non, pas les sèche-cheveux. Ah, t'as vraiment peu d'argent. Ça sert à rien du tout. C'est un objet de luxe pour toi, un sèche-cheveux. Une poignée de porte. J'aimerais tellement en avoir. L'émission La Carte au Trésor sur France 2. De l'eau chaude à son domicile, peut-être. Sachant que Dyson, j'ai vu qu'il sponsorisait plein de gens sur Insta. Alors vraiment, envoyez-nous du Dyson. Ah, clair, Dyson, mec. Je suis fou d'aspirateur, n'hésitez pas. J'en profite aussi. Hein. Ma mère a le même. Mais je l'ai payé. Moi, je suis dégoûté. Moi, je veux des choses. Ma mère l'a payé aussi. T'es dégoûté, ça te permet de monter. Mais elle le rentabilise bien, par contre. Moi énormément également. Mais par contre, c'est chaque épisode, tu vas parler de ton putain d'aspirateur. Je l'adore. Je suis un fou d'aspirateur aussi. Mais il est mieux que tout cet aspirateur, il est incroyable. Il est incroyable, j'ai vu la pub, j'ai regardé le prix et j'ai arrêté. là on est entre jeunes, arrêtez de parler d'aspirateur putain. Wow. La Switch. Ouais. Fortnite putain, c'est mieux. C'est pas Animal Crossing le truc. L'iPod Touch. Non. Non mais vraiment vraiment pour chercher. Est-ce que c'est un appareil de divertissement? Non, c'est un appareil de relaxation. Un masseur de pied. Les fauteuils massants. Non, pas fauteuil massant, pas de masseur de pied. Léa, non. Ok. Léa. Non, ouais. Un masseur, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste d'ailleurs. Oh, je vous le dis. Relaxation. En appartement, par exemple, vous ne pouvez pas l'avoir. Voilà, petite un vélo. Vous le balance. Okay, un jacuzzi. Voilà. C'est pas du tout relaxant, c'est hyper oppressant. Non, c'est génial. Oppressant, ça pue. Comme moi en ce moment même. Non, ça pue. Bah, si, bah, je vous le dis, je vous jure. Ah, surtout les jacuzzi. On a déjà été dans un jacuzzi. Tu aimes nous ensemble? Je crois pas. Non. Tous ensemble. Moi, j'ai chopé une mycose la dernière fois que je suis. Oui, c'est ce que j'allais dire. Au niveau hygiène, c'est un peu. Ah, j'ai cru une mycose, J'ai chopé une mycose. Oui, jacuzzi. Et j'étais dans le même jacuzzi, je n'ai rien eu. comme ça il ouais, y a mais... Ah mais t'as vraiment chopé une micro. Ah mais moi j'ai le zizi tout fragile. Ah, ah donc c'est on part en direct de l'intérieur de toi. C'est pas l'intérieur. Non c'est ouais, ça reste dehors. Ça reste dehors. Ça reste dehors. Ça existe. Donc les jacuzzi, il y a des gens ont fait effectivement sont tombés énormément des jacuzzi. Il y a aussi eu des indemnisations parce que des oiseaux perforent les couvertures de bain bouillonnant. Vraiment, les oiseaux sont fous, apparemment. Il y a eu aussi une alliance de mariage qui a abîmé les parois du bassin, bref. Est-ce que c'est pas le monde qui est fou? Le. Allô, allô, le monde? Oh, Pauline. Oh là là, quel rêve! Dans un autre pays, aux Pays-Bas, ils ont réclamé 1300 volontaires, à votre avis, pour faire quoi? En ce moment même, hein, je vous parle de ça, là, là. Période de Covid. Pour faire des enfants. Des vaccins? Non. Non. Est-ce que c'est un rapport avec le Covid? C'est un très gros rapport avec le Covid. Le vaccin? Non. Pour aller voir des vieilles personnes? Non. Pour c'est nul comme. Comme 1300, c'est marrant, énorme. Pour attraper le Covid et étudier les répercussions. Ah, non. Là, mais c'est malin, mais non. Les foutre dans une salle de spectacle. Exactement. Oui, oui. Exactement. Mais c'est ce qu'il a dit un peu, non? Non, lui, non, il disait non. Faire des tests de leur donner le Covid. C'est ce que j'allais dire. Il a dit attraper le Covid. Ça n'a rien à voir. C'est la Covid en fait. Non, c'est ça, ils les ont foutus dans une. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Bah justement, en fait, ils ont fait un concert test d'électro en pleine pandémie. Et alors, d'ailleurs, double question, à votre avis, quelles étaient les règles? Comment ils ont fait en sorte de que... danser? Alors, un siège d'écart un siège d'écart entre chaque personne. Non, c'est un concert debout, c'est ouais. Un l'intérêt, debout. L'intérêt de le faire comme, un vrai concert. Non. Quoi. Ah non, ils étaient dans, des bulles. Exactement. Non, ils avaient des tenues de chumeau gonflables. Comme de Chavannes. Tu restes là, ils avaient des petits bâtons fluorescents là que t'agites. C'est la règle. Et des chapeaux rigolos. Sinon, vous rentrez pas. En tout cas, ils étaient dans des bulles, effectivement. Il y avait 5 bulles où les règles n'étaient pas exactement les mêmes. Des bulles de 250 personnes. Ah oui, attends, 1300 personnes, 5 bulles. Non, il y avait 5 bulles de 250 et une autre de 50. J'ai pas vérifié le calcul, mais apparemment c'est ça. Je crois que c'est des bulles individuelles. Moi aussi. Du coup, on n'est pas sur une bulle qui roule, parce que là, ça devient très dangereux. Oui, moi, j'étais sur les bulles. Un concert de hamster, globalement. Ils ont fait un concert de rock avec les bulles de hamster, là, où les gens, ils faisaient des pogos et tout. C'est génial. Justement. T'imagines en plein festival l'été sous la canicule. Oh là là. T'imagines. Incroyable. Tu imagines? C'est parti. Donc, ensuite, les clubbeurs ont fait l'objet d'un suivi par traçage pendant tout le concert. Certains étaient limités dans leurs mouvements. Tandis que d'autres étaient encouragés à chanter et crier pour étudier la projection de leur salive. Tous les participants devaient fournir un test négatif 48 heures avant le concert. Un autre test anti-Covid était prévu 5 jours après. Les données provenant de cet essai en conditions réelles vont être étudiées par des experts. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, ils ont fait d'autres tests comme ça. Ils ont fait 1200 supporters ont pu assister à un match de football. Une réunion professionnelle à 500 participants et un spectacle cabaret s'est produit devant 500 personnes. Il faut savoir que là-bas, tout est encore fermé, les bars et restaurants, et seuls les rassemblants de moins de 100 personnes sont autorisés. Voilà. Je me suis endormi sur. Mais ouais, mais j'avais besoin de donner toutes les infos. C'est dégueulasse parce que c'est pas simple cet exercice. Mais tu t'es étiré. Ah ouais, je me suis vraiment endormi. Mais est-ce que la musique était bonne, man? Surtout ça. Bonne. Man, elle était trois fois bonne. Elle sonnait aussi. Vous avez eu des tournées d'annulées, vous, à cause de ça? Oh, toi, bah, globalement, moi, j'ai 4 dates. Hein, pareil, pense. 4, moi aussi. Moi, 5, du coup. T'as gagné. Yes. Bien joué. Moi, en vrai, c'était ma première tournée des festivals, là. Donc, un bon 14 dates. T'as fait un bon concert devant des voitures. Oui, j'ai joué devant des voitures. C'est une des seules dates qui est restée. Ah, tu peux raconter? J'étais sur un aérodrome. Mais il y avait personne dans les voitures. C'est ça qui était. Ils ont juste garé des voitures. J'étais face à 500 voitures. Et c'était trop bizarre parce que vraiment, le premier morceau, je me disais, ah, c'est cool de vivre ça, c'est un peu américain et tout, coucher de soleil, 500 voitures, un peu genre ciné-club en plein air. Et en fait, à partir du moment où j'ai terminé le premier morceau, il y a eu des klaxons dans tous les sens, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ma vie, c'est vraiment devenu ça? Je ne sais pas. T'as remarqué que ça a vite fini d'ailleurs, ce mode. Hein. Enfin, oui, bah moi, sincèrement, j'en aurais pas fait un deuxième, je crois. Et après, fallait que j'encaisse. J'ai perdu des dates au Japon, à Montréal, à La Réunion. Ah, trop sympa! Voilà, mec. Bonne ambiance, quoi! Comme tout ah le oui, monde. Moi, c'était pas pareil, c'était genre Béthune. Comme ça. Mais c'est le Japon aussi. De la France, hein, bah, oui, bah oui, c'est voilà, clairement c'est ça. Et j'aimerais d'ailleurs vous demander, c'est quoi votre meilleur souvenir de concert? Vas-y, demande-le-nous. Alors, je vais te le demander, Maxence. C'est quoi je peux demander, meilleur je peux demander. Ouais, vas-y, Adrien. C'est quoi votre meilleur souvenir de concert? À vous trois, hein. Est-ce qu'on a déjà joué à un endroit tous les trois à la même. Non. Pas le non. Même jour. Jamais. Ah non, moi c'était plus. Après, vous comprenez vraiment la question. Hein. Vous compliquez la question. C'était ouais. Pas tous les trois en même temps. J'ai pas de réponse, moi. C'est, moi c'était. C'est parce que j'ai posé la question clairement que ça. Ça moi c'était vraiment. En vrai, c'était bah, la dernière date que j'ai faite et c'était assez fou parce que c'était 3 semaines avant le premier confinement et c'était devant 20 000 personnes à Bercy. Ah oui. Donc c'était trop, enfin c'est trop bizarre avec bah, énorme cluster. Après si on doit passer exactement. Après toi, tu vois, c'est compliqué. Parce que hey, vous avez eu votre chance. Sachez que la veille l'avant-veille de jouer à Bercy en ouverture pour Angèle, je jouais au Crous de Nancy devant 12 personnes. Voilà. Et c'était ta préférée. Et j'ai adoré. Et les gens me croyaient pas que je jouais à Bercy deux jours après. Et genre quand je le disais, ils riaient dans la salle. Ouais. Le Crous et d'ailleurs bien votre gueule maintenant les 12 du Crous là. Ils ont tous eu le Covid dans le Crous. Oh oui. Oui. Non, jouais, moi ça... j'assume tout maintenant. Ah non, on adore les il n'y a plus de futur donc. moi, pour c'est répondre ça, quand même à la question, parce qu'il faut arrêter de déconner deux minutes, je pense que c'était la maroquinerie. J'ai eu la chance de jouer à la maroquinerie et c'est une de mes salles préférées. Et elle s'était vraiment très très très remplie de façon sale et j'ai adoré. J'ai même pu faire monter tous les gens à la fin et puis j'ai démonté le décor et je l'ai jeté dans la. C'est, tout était dangereux, mais c'était super. Vraiment, j'ai. C'est une super salle, la maroquinerie. C'est très bien, ouais. Grave. C'était, du coup. Feu. Ça a fermé ? Bah, là, en ce moment, ouais. Oui, en... oui. Oui. Oui. Pourquoi il n'y a plus de concerts, là ? Ah, les artistes tournent plus. Sortez-vous les doigts, les artistes. C'est clair. Travailler, les Français. Il est déconnecté du monde, celui-là. Alors ? Sors de ta bulle. Je comprends pas. Sors de ton studio, man. Pourquoi vous avez des masques ? Stud, on dit. Tu vois trop le monde en couleur, toi. Maxence, toi, je sais qu'il y a aussi un concert que t'avais fait en ouverture bah, aux arènes de Nîmes où t'étais genre crevé. J'avais 42 fièvres, j'avais la mononucléose. Incroyable. C'était horrible. C'était horrible. Maxence nous dira une maladie toutes les 10 minutes hein, qu'il a eu. Une maladie un peu plus gastro. J'ai chopé grippe et gastro, moi, deux semaines d'affilée. Sympa. Parce que j'ai fait des gastro. Câlins aux gens à la fin des concerts. C'est un dessin animé sympa. Une chanson de non, je crois que mon meilleur souvenir de scène, c'était à Paris parce que c'était hyper symbolique, c'était une super date. Bah, c'est la capitale. Ouais, voilà, clairement. Et vu que non, je déteste la province. Ouais. Non, et donc c'était hyper symbolique pour moi parce qu'il bah, y avait beaucoup de mes amis, il y avait le pro, il y avait beaucoup de gens. Il y avait le professionnel. Oui, non, Pascal Pro, j'avais compris aussi. Pascal Pro, je l'avais la marque Alpro. Zemmour a pas pu venir. Dégoûté. Ouais, j'étais un peu deg. Et donc, premier morceau, je m'ambiance et tout, et je fais tomber le micro par terre. Voilà, sur l'intro. Alors, ça, c'est cocasse. Tu sais, alors que le premier morceau, je suis censé être, tu sais, genre le chef, tu vois, genre j'arrive, tout le monde m'acclame. Genre, je suis la star, tu vois, je suis Johnny Hallyday. Et là, genre, je déplace ma main et ça fait. C'est hyper bien fait. Le sound design est incroyable. Il a fait ça qu'avec sa bouche. Hein. Rien n'est tombé. C'était dans quelle salle ? C'était à l'Élysée Montmartre. D'accord. Ah. Et donc premier morceau. Feu, du coup on peut dire aussi. Mais... ça a cramé, ouais, c'est vrai. Hein non, ça a vraiment cramé, oui. Il y a eu feu, c'est pour ça. C'était ouais, c'est blague, pour ça. Oui. Ah pardon. Ok. Ça doit être dur. La grande Sophie du courage. J'ai toujours expliqué. C'est les zèbres. Et voilà, la Lady Melody Tom Fraget. Angleterre toujours. Qu'est-ce que l'université de Bristol a mis en place pour aider les étudiants à aller mieux ? Les fiches Bristol. Non, j'ai alors, je crois qu'ils ont inversé les touches du clavier et c'est Monsieur Froissart qui a fait ça, il me semble. Oh ! Il a fait un choc mental. Oh, je félicitations. Comprends rien. Alors, il y a un grand truc que Julien adore faire, c'est les chocs mentaux, il appelle ça. C'est-à-dire qu'il lance des souvenirs que seul toi tu peux avoir, comme s'il était là dans la pièce à l'époque. C'est calme, c'est pas un bon public. Du coup. Un peu. Non, je l'explique aux gens. Ah, super, donc un choc mental. C'est une sorte de private joke quand même, un petit peu. Voilà. Oui, mais c'est comme si je disais un truc de genre ton enfance, et donc ça n'a aucun sens que je le sache. Tu ok, vois. D'accord. Donc il a dû fouiller un peu dans. Et monsieur Boissard, t'as un peu foiré, t'as dit oui, Boissard, c'est vrai. Non, j'ai dit Boissard, c'est le masque, on n'a pas compris. C'est un prof de techno et qui était horrible, atroce et on l'embrasse. Donc c'est ouais, super, c'est super de révoquer ses souvenirs. Bravo, je... bravo, merci. Ah, c'est douloureux. On le faisait chier et un des trucs qu'on a fait, c'est inverser toutes les touches de clavier de l'ordinateur. Ah, à l'époque là. Où on pouvait encore avoir des claviers à grosses touches, je vous raconte ça. Ah, ça revient on là. On peut rien dire du tout. C'est clair. À l'époque, les écoles étaient ouvertes. Je sais pas. On cite jamais la source d'un choc. Ah, faut jamais citer. Jamais. Ok, donc c'est un vrai principe. Ouais. Par contre, là, ça devient un bon moment. Par contre, là. Ce que j'allais dire, c'est tromper d'émission. On peut faire le Johnny Depp, s'il vous plaît. Je pensais qu'on y était. Ok. Alors, donc je disais. Non, nous, on gagne pas d'argent du tout. Qu'est-ce que l'université de Bristol a mis en place pour aider les étudiants à aller mieux ? Un soutien psychologique. Un happy manager. Là, t'es pas si loin, dis-toi. Et des siestes. Non. Ah, c'est bien. Des c'est... petits poids. Il y a un gars qui leur lit des poèmes. Des clowns. Non. Il y a des clowns. Des chiens, des chatons, des chiens. Non. Oh, ça serait de l'exploitation animale, mais mignonne quand même. Mais quand même mime, alors ça va. Des petites loutres. Le... Non. Le pas chanteur. Pas d'animaux. Le chanteur Singila. Arrêtez avec les animaux. C'est une activité, genre une activité. Le chanteur Singila. T'as oui, pardon. C'est trop. Non, non, j'allais trop, dire, c'est trop. C'est trop. Pardon. Non, non. Des ateliers fougasses. Non. Non, mais est-ce que c'est une activité? C'est des cours. Des, de la méditation, du yoga. Non, non, non, mais franchement, je pourrais vous donner la réponse. De relaxation. La musique. Non, dans ça va un rapport avec la psychologie, tu disais. Non, oui, oui. Ah, non, de l'auto-hypnose. De l'hypnose. Des cours de. Des petits chiens. Non, je rigole. Des cours de rire. J'adore. On a trop envie que ce soit ça. J'adore les imaginer. Des cours de technologie avec monsieur Boissard. Oh, il l'a refait. Il a bien marché cette fois. Je savais que j'allais y arriver. Il a bien marché. Non mais vous avez plus ou moins dit la réponse. De l'aïkido. Non, ce sont des cours tout simplement pour trouver le bonheur. Comme un cours de maths. Mais alors qui peut nous enseigner le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Ouais. Bah le bonheur il est là. À Carpentras. Il y a des petits clins d'œil qui fusent de ref là en mode. Ouais, bien joué man. Je te backerai sur la prochaine, ça c'est vraiment genre. Okay. Je vous donne quand même leur formation pour retrouver le bonheur en seulement 3 mois. Je pense que ça va être de la merde. Ah bah oui, c'est bien sûr. L'un est théorique, l'autre pratique. Les étudiants assistent à des cours magistraux enseignant la psychologie et la neuroscience du bonheur. Ils permettent de définir le bonheur et pourquoi il survient. Dans la partie pratique de la formation, les étudiants sont invités à réaliser un acte de gentillesse, bavarder avec un inconnu. Prendre le temps de savourer une expérience, faire de l'exercice, plus vague encore, peut-être. Bien dormir, même rédiger, respirer de l'air, même rédiger une lettre de remerciement. Non, c'est mignon, moi je suis mignon. Bah voilà. Moi je suis plus sûr, malheureux c'est... juste d'avoir entendu les activités. Donc, Le prof c'est le même gars qui fait les horoscopes à mon avis. Là, c'est banalité vraiment. Ouais, c'est sûr il a juste. Mais là moi ce que j'aime bien c'est bien dormir. C'est genre bah oui c'est simple, personne ne souffre de ce qu'on appelle une insomnie. Éprouver de la joie. Oui merci. C'est efficace. Hein. C'est efficace de bien dormir quand t'es un petit peu fatigué là. C'est vraiment du bien. J'avoue trop. Au Vietnam, une influenceuse propose des cours bien particuliers. À votre avis pour apprendre quoi? À le rouler son visage dans du pain. Quoi? Bah, elle a dit, t'as dit que c'était un cours bien particulier. Donc, elle est allée dans très le spécifique précis, tout de suite. Très précis. C'est une image que j'ai eue. Mais ce qui est fou, c'est que t'as bon, mais c'est pas du pain. Presque ça. Être insensible quand tu caresses un cactus. Non. Non. Ça, on peut peut-être faire toute l'émission à propos ne pas être heureux. En éprouvant de la joie. Waouh. Oh là là là. Là c'est philosophique, c'est un choc mental. Il y a du niveau. C'est bon, ça la rêve. Moi ça m'a rendu parce triste que t'as dit. Parce qu'il t'a rappelé le temps, t'étais heureux. Déprimé. C'est fou. Donc c'est une influenceuse. Oui, le métier a dû. Est-ce qu'elle fait un truc un peu superficiel sans vouloir dénoncer? Non, non, non, on n'est pas dans la dénonce, tu sais. Des cours de filtre Insta. Non. Des cours de vendre TikTok. Un produit. Non. Des cours de comment avoir des plus gros seins. Non. Des cours de maths. Et bim, dans les préjugés. Vous pensez qu'elle pouvait pas être bonne en maths alors qu'elle est influenceuse? Non, c'est pas ça. C'est un rapport avec le Vietnam? Non. Parce que t'as commencé en disant au Vietnam. Ce n'est pas tuer des Américains. Il a même dit le Vietman. Parce qu'il a pas très bien prononcé. Je déteste les voyelles, tu m'entends? Vietman. C'est un rapport avec son métier d'influenceuse? Oui, oui, c'est très lié. C'est même. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à ça. Oh, t'es en vibreur? Ah non, pardon. Attends, j'harmonise. Aucun rapport, mais j'ai l'impression de temps en temps que mon micro sature. Mais non, mais peut-être parce que tu mets ta bouche très très très comme ça. Tu parles très fort. Je comprends ce que tu veux dire. Mais non, mais t'inquiète, c'est bossé. Le son, il est parfait du flot de l'auditeur. Mec, sature, mec. Ouais, j'y ai pensé. Est-ce qu'on peut savoir comment elle s'appelle? Non, je rigole, je m'en fous. Tu m'as vu par surprise, mais je suis sûr que je peux te le dire. Elle donne des cours. Attends, elle donne des cours dans une fac. Femme Curie. On peut avoir un indice? Ah oui, je vois très bien. Qui Curie? Juste, on doit trouver ce que le cours qu'elle donne. C'est censé être original. C'est des cours de danse TikTok. Non, pas du tout. C'est ça. Arrête, espèce d'enfoiré. Pas du tout. Pardon. Sachez que ça coûte $130 quand même et que ça dure un jour et demi. Ouais, ah, c'est une formation. C'est quoi. Une formation d'un jour et demi, $130. Est-ce que ça a rapport avec Insta? Oui. Wow, apprendre à monter, à utiliser Insta. Apprendre à écrire des légendes. Non, ce serait super. Apprendre à installer l'application. Non. retoucher ses photos. Non. Apprendre à ne plus retoucher ses photos. Non plus. Non. Pas mal. Apprendre, apprendre à sourire à une inconnue qui apprendre passe. Apprendre à aimer. Ouais, voilà, apprendre que ça n'est pas la vraie vie. Non. Oh là là. Oh là, j'ai apprendre à se détacher d'Insta, d'arrêter quoi. Bah de ce démon quoi. Non, ouais. pas du tout. Le chanteur Stanislas Le Manège. Oh, oui. C'est ça. Très okay. beau. William Baldé. William Baldé. Un matin suspendu. La photo. Ouais. Retoucher une photo. Poser. Poser. 10 points pour Gryffondor. Bien joué, Adrien Méniel. T'es Gryffondor? Pas du tout. Non, je suis cerf d'aigle. Moi, je suis pauvre souffle. Ah, oui. Bah, en même... oui. Ah, oui, t'es un très convivre en même temps. Personne n'est serpentard ici. Moi, mais je sais fait plus. Le test, je crois que je l'ai fait une fois, mais j'ai aucun souvenir. Et depuis, j'ai des mails. T'es toutes les couleurs. Je suis toutes les maisons. Quadricolore. T'es le phénix. Les quatre couleurs primaires. Quadricolore. On l'a. Bruno Vandelli. Le nom, il a le nom. Bien sûr. Est-ce que vous avez. Alors, moi, je voulais en parler de. Zidane. Non, Adrien, t'es jeune. Mbappé, faut que tu dises. Ouais, non. Mais... bah ouais. Mais non, parce que c'est des trucs un peu surannés, tu vois. Oui, comme le mot surannée, par exemple. Oh là là, comme tous les jeunes. Donc, vous avez, vous, une pause qui marche à tous les coups? Parce que moi, c'est un truc qui me fait. Et... moi, j'ai vraiment une pause ridicule. Oui, oui. Mais genre pour être beau? Non, mais tu sais qu'une pause, parce c'est que j'ai genre. J'ai jamais essayé, je crois. Non, mais genre, Adrien, on fait une photo. Et là tu te dis ah bah genre je comme par automatisme je souris, on a tous ouais. eu à un moment forcément une pause qu'on faisait un peu sur toutes les photos, on s'en est rendu compte bah, après de coup oui, et on si, moi, je sais. C'est le signe de Jules. Oh oui, c'est grâce à ça. On l'a tous beaucoup, fait. Ouais. Ça devient un peu boomer là les photos. Ouais, ouais, un peu. Ouais, qu'est-ce ouais. que j'ai vu récemment? C'est comme les quenelles. Non, pardon. Non, ça en coupe par exemple. Bon, on peut se lâcher alors. C'est parti. Non, moi j'ai un demi-sourire. J'ai un sourire un peu genre juste sur le côté comme ça. C'est pour faire genre ouais, je souris, mais en même temps. Très cerdex, hein. C'est une quenelle de bouche. Bon, c'est tout. C'est pas très. Moi j'ai la moue. Genre je fais une espèce de moue. La moue. Genre, bah, là, je peux pas vous montrer. J'ai pas... Attends, ouais. J'enlève le masque deux secondes. C'est genre. Ah, mais c'est toi. C'est trop marrant, on est chez toi. Je fais une espèce de mou en levant un sourcil. Mais ça, et c'est vraiment la pire pose. Ça, c'est une pose de youtubeur, ça. Oui, qui est une pose de miniature. C'est ça, pose de miniature YouTube. Ou alors pose d'affiche de stand-up pas dingue. Ah. Genre, bah oui, bah ouais, c'est ouais. moi. Bah oui, bah, c'est bah, c'est avec ça. Les bras. C'est vous avez remarqué. Voilà, bienvenue dans mon petit univers. Moi, tu la connais, même. Bah, toi, c'est la spéciale. Mais qui regarde pas l'objectif. Ah oui, tu coinces la bite entre tes cuisses. Oui. Et tu te gifles juste avant que la photo se traîne. Non, moi j'ai moi ce aussi, gag. Les bites. Je connais les bites. On parle de musique. Hein. Pas de quoi vous parlez depuis tout à l'heure. Mais... Non, moi j'ai le gag de ne jamais regarder l'objectif. Bah, bien enfin, sûr. Pas souvent. Ah mais bon d'ailleurs, on a une super photo ensemble avec plein de gens qui ne regardent oui. pas l'objectif et toi tu le regardes. Et là, pfff. Voilà, sur le mental en fait. C'est donc fou. Ça. Non, mais j'ai capté pour être beau, je ferme ma mâchoire au maximum, je la serre. Ah, parce que j'ai une mâchoire un peu carrée, du coup je la rends un peu plus carrée. Et comme je plisse Jim. Un peu les yeux comme ça. Tu sers la mâchoire très fort. Ouais, un peu. Pas très fort, un peu. Ouais, juste ouais. la jusqu'à que ouais. je saigne un peu. Tu vois, j'aime un peu les molaires. J'aime bien. Ouais. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant une tête moche sur une photo, t'as un peu une excuse. Et du coup, quand tu vois la photo, tu fais, mais non, mais là, je faisais le con. Ouais, du coup, j'applique assez souvent ce truc-là. Je dis, bah oui. Mais tu l'appliques même en vrai, en temps réel. C'est fou. Désolé, je m'en veux. Non, je m'en veux. Tu as une fragilité. Tu mets un peu de couleur, je crois, aussi pour détendre la. Oui, voilà, c'est histoire de ta. Les gens regardent tout sauf ta tête, en fait. Parce qu'il y a tellement le truc qui se passe, tu fais bah, j'ai pas le temps de regarder sa tête, putain. Pauline, une technique peut-être? Bah, ça dépend la portée de la photo, je pense. Oh, wow. C'est rangé par dossier. Franchement, vous avez dit oh alors que c'était pas si, ouf si, du si, tout. Ça voit que la meuf est très calculatrice. Parce que nous, on n'a pas cette réflexion-là. C'est Césaire un peu farfelu. C'est son côté serpentard. Ouais. J'ai pas dit oh, j'ai dit Farfelu. Bah, désolé, vous êtes farfelu. Tous les trois en fait. C'est vrai. Vous êtes trois beaux farfelus quand même. Team farfelu. Non, ouais, gueule, ça dépend, vraiment. Mais justement, je pense qu'on a tous une tête de. Même, tu vois, chez tes potes, quand ils se regardent dans le miroir, on fait tous une tête hyper chelou et tu les regardes se regarder et tu dis hyper chelou ce qu'il est en train de faire. Souvent. Et après, quand tu vois une photo de toi, enfin, t'étais pas au courant, et ben tu te vois et ton monde s'effondre. Quoi. Moi, clair. Très souvent, je me dis, mais c'est à ça que je ressemble et je suis mais dévastée. Non, pendant une demi-heure, je vous jure, je déteste. Arrête, ouais. Selon non, le profil, je supporte pas. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est un problème assez commun. Oui, sauf oui. peut-être pour Kylie Jenner, mais elle arrive dans une demi-heure, du coup. On lui posera la question. On lui demandera. C'est clair. Mais aussi, moi, je me souviens. Enfin, parce que vous, vous êtes tous des super jeunes, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. Vous êtes. Tu me passes le pet, Adrien. C'est pas tire sur ce Joko. Oh là là, vous êtes à Babylone tous les quatre, là. Ouais, j'ai Max de Blunt. J'allove. Fais gaffe, mon il est bien beurre. Hein. Oui, on faisait qu'une photo avec les appareils à l'époque, je parle. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Maintenant, moi, ouais. Je peux plus. Enfin, genre, c'est minimum, il y a 5 ou 6 fois. T'étais au Moyen-Âge ou quoi? T'avais une couronne de roi? Hey, il va... les jeunes, allez! Il va... hey, high five tous! Allez, en yes. Bande organisée, canalisée. Le son, on verra de Nekfeu. Ah oui, ah oui, voilà. Bah oui, là, on verra, on verra bien. On verra bien. Si on verra, on verra bien. On verra ce qu'on verra. Je viens de découvrir la semaine dernière. Piaf, verra. Ça envoie, ça peps. Nekfeu, ça peps. Ah ouais. Mais moi, il dénonce. Vera Cruz. On verra Cruz. Le Cruz. Oh non, il va devoir l'expliquer. La ville de Veracruz. La ville de Veracruz. Et le Cruz de tout à l'heure. Oh. Veracruz. Un mafieux italien. Wow. C'est un choc mental. Je pense que c'est plutôt de la charge mentale. Là, c'est ça. C'est ça. Attention, un mafieux italien. Le film La Mentale. Vas-y. Un mafieux italien. Le fromage, les mentales. Ouais, j'allais le dire, franchement. Un mafieux italien réfugié en République tchèque a été retrouvé par la police. À votre avis, comment? Comment a-t-il été Google pizza, Street pizza, View. La pizza. Google. Snapchat. Il a snappé. Non mais sur Snapchat, il y a le truc. Ah, ça existe encore ou pas? Par rapport, je suis tellement jeune, je suis plus sur Snap. Hein, donc. Mais je crois que j'ai entendu TikTok. Cette histoire. C'est un truc. Ouais, genre il a fait un truc con en rapport avec les réseaux sociaux. Il y a un peu de ça. Ouais, donc c'est lié à Internet. Loin. Non, mais c'est pas réseaux souvent, sociaux. Je c'est pas Google. La réponse de quelqu'un. Et les gens disent grave. Non, c'est plus. C'est pas Google Internet, Street quoi. View. Non, c'est Internet moins réseaux sociaux. Pas Google Street View. Mappy. Non. Toutes les applis. Lycos. Il a laissé un avis sur un commerce. Non. Il a partagé sa position. Tous les commerces autour de chez lui. Il a alors tout... il n'a pas. Très bonne pizza. Il a partagé sa position à la police. Non. Directement. Belle erreur de sa part. Ah merde. Oh merde. Il a pas fait un retrait d'argent. Non, pas un retrait d'argent. Sur Facebook, un retrait d'organes. Non plus. Il a mis coucou, je suis là. Non, il a tweeté ACAB. Tweeté ACAB et ils ont dit waouh, c'est le seul qui dit ça dans cette ville, c'est bizarre. Non, pas du tout. Sachant que je vous rappelle qu'il est en République. Oui, République tchèque. Ouais, République tchèque. Et il a mis un tweet. Alors, les Italiens, on est dans la merde avec le confinement. Et alors qu'il est. Non, pas et il était tout. En terrasse. Il a payé en tchèque restaurant. Non, pardon, d'ailleurs, j'ai dit de la merde. Il était pas en République tchèque, pardon, en République dominicaine. Il a posté une vidéo de lui. C'est une vidéo de lui. Sur la plage, en train de faire. Alors. Non, alors. Un TikTok. Hein. Un TikTok. Un TikTok. Une vidéo sur lui. Un réseau. D'ailleurs, un nom de challenge TikTok, Adrien Lejeune. Ice Bucket. Ice Bucket Challenge. Ah, je dis pas. Nous, on n'a pas le temps, les jeunes. On dit pas challenge. Ice Bucket. Ice Bucket. Ice Buck. Hashtag Ice Buck. Est-ce que c'est lui qui a posté la vidéo ou alors on l'a vu sur un réseau? Il l'a posté sur un réseau. Et est-ce que c'est une fausse manip de sa part? Non, non, une vraie manip. Il a posté une story. Non, on y est presque, hein, vous n'êtes pas sur loin. Instagram. Non. Twitter. Mais c'est non. Pas les réseaux sociaux, t'as dit. Pas les réseaux sociaux. Copain d'avant. Il a lancé une conférence Clubhouse. YouTube. Sur l'entrepreneuriat. YouTube. Une story. Un tuto. Un live. Un tuto. Mais non. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Comment ah, le vieux. Oh, le boomsman. C'est comme ça qu'on dit boomer chez les jeunes. Ah bon? Ouais, les boomsman. Marc Ferren Claude Billard, 53 ans, vit en République Dominicaine, a posté des vidéos de cuisine sur Internet. Oh. Mignon, ouais. Trop mignon. Son visage était caché, mais pas ses tatouages, ce qui a c'est permis fou. À la police italienne de l'identifier, stylé. Hélas. À la police alien? La police quoi italienne. Oui. Ah, j'ai compris alien. Mais non. Du coup, c'était, le gars était un vrai lune, passionné, parce qu'il s'est quand même dit, là, je suis dans la merde, mais je vais quand même vivre ma passion. Il aime trop la cuisine. C'est mais fou. Sachant qu'il fait partie d'une mafia calabraise qui est considérée comme une des plus dangereuses. Oui, mais est-ce qu'on lui pardonne pas parce qu'il est mignon? Mais il est tout mignon. Il est tout mignon. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse la mafia. Merci. De manière générale. Pas trop fort, pas trop fort. Pas trop fort, mais pour tout ce qu'ils ont fait. Vous consommez quoi, vous, sur YouTube, outre des vidéos tutos de mafieux? Oh là là. Tout Inoxtag, Inox. Michou. Encore deux autres. Très bonne chaîne. Non mais toute la team. La team Croutman. Voilà. Hein. Ouais. Voilà. Team Crouton. Toute la team Crouton. Je vais pas tous les citer. Les Croutes. Moi je regarde beaucoup de clips en vrai. Ah ouais. La plupart du temps c'est quand je vais old. Sur YouTube. Ok. Et sinon en vrai non je regarde. Là je vois que t'as un petit livre de Bowie et un reportage qui est un reportage Arte de Bowie. Sur Dailymotion. Ouais, alors il est sur Dailymotion, mais il y en a un autre sur YouTube qui est très cool. Et je regarde souvent les jeunes. La chaîne Arte. Ouais. Voilà. Ils ont plein de ils ont plein de docu. Il y avait la chaîne Blow Up, moi que je regarde beaucoup aussi, qui est un espèce de truc de best-of d'un acteur. Ils ont fait un sur Bakri. Exactement, d'un acteur ou parfois même d'objets de cinéma. Par exemple, ils vont dire l'escalier au cinéma, et donc ils te parlent de toutes les fois ou où il y a des certains morceaux de musique qui sont dans plein de films. Exactement. Différents. Oh, si en l'occurrence, Bowie, par exemple, ils en avaient fait une sur l'utilisation des chansons de Bowie. Dernièrement, là, je regarde plein de trucs de la chaîne Mix with the Masters. C'est quoi? C'est trop intéressant. C'est vraiment des interviews de producteurs et qui vont parler vraiment techniquement de comment ils mixent les morceaux et tout. Mais j'aime bien parce que c'est pas trop poussé tant sur la technique, c'est plus sur le feeling, la philosophie, le style. Aussi, les choix, pourquoi, qu'est-ce que leur carrière aussi, comment ils en arrivent là. Et il y a notamment une interview de Philippe Zdar, qui est à son âme, et qui est incroyable, d'une heure et demie à la Gaîté Lyrique, et c'est trop passionnant. Il parle des mix pour Phoenix et tout, et c'est fou parce que tu vois tout l'engagement et la passion qu'il y a dedans. Et c'est trop agréable, après avoir entendu ça, de réécouter les morceaux pour avoir les petits détails. C'est génial. Voilà, ça c'est assez canon. Ah, c'est génial. Ok. Moi, je comprends. Tu le mec. Non, je regarde les tutos de Maxence. Mais qu'est-ce que tu regardes quand personne ne te regarde regarder, tu vois? Ouais, qu'est-ce des que trucs tu regardes en scred moins stylé. Ah. Un truc moins stylé. Tiens, pour te mettre à l'aise, moi je regarde par exemple sur Twitch, je regarde les oiseaux dans la forêt. Tu vois. Je regarde. Historique. Ouais, pareil. Je regarde une chaîne qui fait des mashups. Enfin, je la regarde pas, je l'écoute, mais je la mets tout le temps dès que je suis en soirée. Enfin, il y a longtemps, soirée. Genre l'année dernière. Bah, des soirées, t'as pas dit avec des gens. Oui, non. Soirée tout seul, chez moi. Il y a un gars qui fait des mix de genre Cobaladé avec Can't Touch This par exemple. Sauf que le morceau démarre normalement. Du coup, tu peux le mettre en soirée avec tes potes et genre tout le monde commence à s'ambiancer et là il y a le moment du drop. Tout en et bien ayant sûr, fait ça... un test PCR. Exactement. C'est marrant, débarque. Mais moi j'ai aussi une passion pour les remixes métal flingués à une époque. J'adorais les reprises métal, souvent pas géniales, de chansons très connues, un peu dégueulasses. Max, tu m'as fait découvrir une vidéo incroyable aussi, c'est le morceau de The Weeknd, Blinded by the Light. Et en fait, quand ça arrive au premier refrain, à partir du premier NA, c'est le OU ne part plus jamais. De tout le morceau. Et c'est une mode, tu sais, c'est des mecs qui s'amusent à faire ça avec toutes les chansons. D'accord. Genre, t'as 50 Cent, la chanson, il fait OK. Non, c'est quoi? Go. Et il le fait go. Tout le long de la chanson. Enfin, bref, du coup, ça me fait beaucoup rire. Il doit être fatigué à la fin. Mais... bon, non, en fait, ce que j'adore, c'est justement à l'époque des soirées. Feu époque. C'était la juste dernière. J'adore ce délire de mettre une musique. Et au début, t'as l'impression que c'est la vraie. Et du coup, les gens commencent à s'ambiancer. Et d'un coup, tu sais, c'est totalement foiré parce que ça remix pété. Genre, ils sont vite déçus. C'est Crazy Frog qui chante sur du Gorillaz ou un truc comme ça. Ah, attention, c'est Adrien, peut adorer. Ah, je lui avais envoyé, je crois qu'il y a eu zéro réaction. je peux retrouver le message, j'avais un gros vu, je crois. Donc, non, apparemment, il aime pas ça du tout. Non, mais moi, je regarde jamais. Quand on m'envoie une vidéo, je suis en train de faire autre chose. C'est pas grave, parle avec Julien Garnel, t'inquiète. Ça va très bien. Alors, moi, j'ai une contre-question. Si vous deviez choisir entre Instagram ou YouTube pour toute la vie, lequel vous garderiez? Bah, moi, YouTube, hein, je crois. Ouais, moi aussi, je pense. Et tout le monde répond ça à cette question. J'utilise moi YouTube, mais je garderais quand même YouTube. Voilà, si c'était pour apporter rien du tout. Ah, Maxence, il est pas sûr, lui. Non, je suis pas certain. Ah ouais? Non, parce que... C'est moins pratique pour donner des nouvelles. Ouais, voilà, il y a ça. Il y a un gros engagement de lâcher une vidéo. Et j'adore, voir la vie des gens. Oui. Pas du tout. Je préfère YouTube. Vraiment? Non, je crois que vous avez raison, en fait. Moi, je déteste les Reels sur Instagram. Vraiment, je ne comprends pas l'intérêt. Je peux pas remonter en arrière, je peux pas... parce que moi, j'ai pas votre jeune âge. Allez, l'intérêt, je crois que c'est de copier TikTok. Hein? C'est ça. Mais c'est insupportable. T'as vraiment le geste. TikTok, comparé aux Reels, c'est genre bac plus 600, quoi. Moi, je comprends rien. Mais moi, TikTok, le fait de perdre à tout jamais une vidéo, ça me rend fou, quoi. Mais tu la perds pas à tout jamais. Tu sais, tout est éphémère après. C'est vrai, je pense que t'as un bug. T'as un bug sur ton appareil. Bah, tu sais ce que tu vas aussi perdre à tout jamais, tous les gens que t'aimes un jour ou l'autre. Donc ça t'apprend. Mais oui, c'est vrai, merci. Ouais, c'est dur ce que tu viens de dire. Par petits bouts, ça t'apprend. Je savais pas. Hein. Et si vous deviez choisir entre le sperme versus la cyprine? Ça dépend en termes de à produire ou à consommer. Non, ok, je l'ai. Essaye. On est sur un choc. J'ai essayé de me faire un choc mental alors que j'ai peu réagi au premier et du coup j'ai encore moins réagi au deuxième. Et c'est fou. Ce musée, ça lui ressemble pas à ça. Non, putain. À chaque fois que vous dites choc mental, ça me donne faim parce que ça ressemble à Chocapic. Et à Emmental, donc ça. Et à une attaque Pokémon, il y a une attaque Pokémon, ça va être chaque fois. C'est vrai. Oh. C'est vrai. Et pour répondre pour les gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe, donc les 95% des auditeurs, c'était une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps sur YouTube. Un mais débat. Un extrait tout de suite. Est-ce que t'as digué sur sa vie avant de venir oui. Ou... Bah oui. J'ai énormément le de mec fiches. A un classeur. Tu pourquoi sais. Ce... Mais c'est sa passion. Les classeurs. Enfin, c'est moi aussi, non, non, c'est la passion de l'échappementau. J'adore. Moi, j'adorais les classeurs jouer avec les anneaux. Et ouais. Me pincer les doigts. Bah vous ouais, disiez ouais, ça bien ou pas sûr. Ouais, ouais. C'est considéré c'est si comme précis. De la scarification. Mutilation, ouais. Ouais. Ouais. Moi, j'ai un endroit d'un ongle qui me fait beaucoup de bien quand j'appuie il dessus. Il va encore dire une maladie bizarre. Non, j'ai vraiment cet endroit depuis que je suis petit. Quand j'appuie là, exactement, ça me fait un mal bien. Ah, genre ça, c'est une bonne ouais. Douleur. Ouais, et pile là. Là, et du coup j'adore le coincer quelque part et justement je le coinçais toujours genre peut-être cloue-toi le doigt. C'est le moment d'expliquer le concept du mal bien du coup. Non mais vous avez développé. C'est quoi le mal bien? C'est une douleur qui fait du bien. Ah oui. Quand on te pince très fort les trapèzes là. Tu sais ça fait mal sur le moment mais au moment où c'est relâché ça fait du bien. Et par exemple, j'adore avoir des crampes aux pieds, par exemple, et je me les procure moi-même. Bon, allez, c'est bon. Tu te procures des crampes ? Ouais, je suis en train de m'en faire. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, qui écoutent. Oui, depuis le début de l'émission, j'ai eu 12 crampes. Après, on arrête en général, on trouve un métier. moi, dans les trucs de YouTube qui me relaxent, mais c'est vraiment un plaisir extrêmement bourgeois, c'est les gens qui ont des machines à compresser et qui détruisent des objets. Bah ça, je suis sur Insta. Ça te relaxe vraiment, ça. Ah, j'adore ça. De voir qu'est-ce qui. Même quand ils sont chauffés à blanc, mais c'est rouge en même temps. Est-ce qu'on dit quand même chauffé à blanc ? À rouge, on dit. À rouge. C'est chauffé à rouge, des objets. À rouge, les mauvais. Et on voit. Eh, des machines à compresser, il en faudrait dans le métro parisien. Je suis mal à l'aise. Je partage ton sentiment. Cette réunion en non-mixité, ça me met mal à l'aise. Je veux partir. Ben voilà, moi les trucs, les machines à compresser des objets, j'adore ça. J'adore ça. Je viens d'avoir la vanne, c'est bon. Je suis vraiment de ce pays. Ils sont cons et pressés. Voilà, c'est bon, je viens de l'avoir. Vous avez interprété différemment. Vous êtes des parigots. On est ensemble. Non, pas du tout. S'il te plaît. Il n'y a aucun parisien autour de cette table. Il n'y en a pas. Au bout de 2 ans à Paris, vous êtes parisien. Arrêtez de faire genre. Ouais. Écoutez-vous parler. Vous n'êtes pas parisien. Regardez toutes les couleurs sur vos vêtements. Vous n'êtes pas parisien. Vous foutez pas de notre gueule. C'est vrai. C'est landais. Ça. Je vous emmène en Inde maintenant. Viens donc faire un tour à l'Anvers de Matmata. Lambé. On a tondu les moutons et filé la laine. Une information à mettre au conditionnel. Ouais, il semblerait bien que je vous aime. Je vous emmène en Inde maintenant, dans la région du Tamil Nadu, où il va avoir lieu des élections législatives. Et parmi les candidats, Tulam Saravanan, encore une fois, pardon pour les accents, je ne sais pas le dire, donc je le dis très français pour pas faire d'erreur, a de très belles promesses qu'il assure pouvoir tenir. À votre avis, lesquelles? Alors, est-ce que c'est un rapport avec des singes? Non, mais il y a. C'est des engagés sur un terrain glissant là. Non, mais la précision, moi surtout. Je suis désolé. Non, mais il y a des villes en Inde où il y a des gros problèmes parce qu'il y a beaucoup de singes, toute la merde et tout. Non, mais j'ai une anecdote. Ah, vas-y. L'ancien maire de. C'est New Delhi, je crois. Donc, le maire. Et ni plus ni moins qu'un singe. Trois singes dans un impair. Non. Non, mais. Donc, New Delhi, grande ville indienne et tout. Le maire, je dis peut-être. C'est peut-être pas cette ville, mais bref. Il est mort en se faisant courser par des singes sur un toit. Et il est tombé du toit et il est mort. Donc, il a été tué par des singes, quoi. Donc, mais vraiment, il y a des villes où c'est vraiment un gros problème, les singes. C'est pour ça que je demande. Parce que c'est la proximité. C'est le maire adjoint de New Delhi, effectivement. Voilà. Mort à 52 ans par une horde de singes. Wow. Non. Voilà. Une et chute c'est provoquée par l'attaque d'une horde de singes sauvages. Je suis plus choqué par la précision d'Adrien que par la. C'est la proximité avec les forêts et le fait que leur habitat naturel est forcément détruit petit à petit. Il a gâché l'ambiance. Ils vont en ville et voilà. Et alors, pour contrer ça, le ministère de la Défense a introduit une autre race de singes beaucoup plus féroce qui ont été dressés dans des installations militaires à New Delhi pour qu'ils attaquent les singes sauvages. C'est la solution. C'est vraiment. On dirait le départ d'un mauvais film là. Oui, c'est ça, c'est vrai, la planète des singes. On a un ami des plus violents. Ah merde, il s'attaque. Pour lutter contre le Covid, il faudra un virus bien plus puissant. Oui. J'ai cru que t'allais dire des singes. Quoi? Des singes sauvages. Bah, pourquoi pas? Bah, il y en a au gouvernement, je crois. Oh là là. C'est pas très efficace. Le premier ministre, c'est un casse-tête. J'en casse singe. Il est ma boule. Je suis Jean Castex. C'est fou. Et effectivement, j'ai un petit accent de sud. Et je me fais des mesures où on ne comprend rien. Tu viens vraiment de faire Maïté. Et ça fait marrer les gens. Maïté. Et Bachelot. Et Bachelot, vous laissez les salles fermées, mais ça me rend fou ça. Là, on pourrait elle voir ça sur elle scène. Elle est réparée, Bachelot. Je sais pas, on n'a pas de news. Bah, apparemment, c'est pas, pas assez cool, grave. Hein. Pas cool de pas donner de news. C'est vrai, elle pourrait nous tenir au courant. Bah, apparemment, elle était dans un état assez grave quand même, hein, je crois. Ouais. On une embrasse. Information à mettre au conditionnel, mais il semblerait bien. Que je vous aime. En mal en donc, s'il vous plaît, oui, candidat. Parce qu'on a parlé de oui. Alors, oui. La région du Tamil Nadu. J'ai pas écouté l'élection. Bah non, mais je recommence. Alors, il a promis quelque chose. Voilà, il a fait plein de promesses. Okay. J'ai mangé indien hier, c'est fou quand même. Oh, c'est dingue, quoi. Non, mais. J'avais arrivé. Curry de légumes. Ah. Oh là là. Ça me manque. J'ai failli manger ça à midi. T'as mangé une pizza ou... Ouais. Une zappe. Comment on dit chez Agents. Une zappie. Une zappe. Une pizza. Moi j'ai mangé un petit hamburger maize. Ah. Ouais. Avec un coq Z. Avec un petit coq Z, un petit hamburger maize. C'est quoi un hamburger? Ah, un hamburger maison. Mais oui. En fait, ah, c'est un oui. jeu qui est terrible, c'est de faire des contractions immondes. Ouais, ouais. Oh, genre par exemple, je dis dire. Genre Flaubert. Ah, par exemple, je dis ça, je dis rien, ça devient je dis dire, mais. Oh. Ouais, mais c'est Jérôme Niel qui fait ça dans ses stories. Ah, je suis un plagieur. Non, mais je veux dire. Non, mais moi je les mots sont des mots. Non, mais, tu clashes moi, beaucoup. Moi je dis c'est simple de tape, je dis par exemple moi, souvent. C'est quoi? C'est sympa oui. de ta part. Oui, c'est vrai qu'il. Oui. C'est simple de tape. Mais du coup personne ne comprend ce que tu dis. Non, parce que je le dis avec. Juste les mecs cool. Le restreint, quoi. Juste les mecs je parle très cool. Je parle à très peu de gens de toute façon. Et moi mon jeu c'est de trouver les plus moches. Genre est-ce que t'as écouté le dernier Indoche? Tu vois, à l'époque moi j'écoutais Linkimp. Tu vois des petits trucs comme ça, ouais. Enfin bref. Mais les parents, enfin je sais pas les enfin j'espère ouais. qu'ils sont tous en vie. Ont... Ouais, grave. Mais elle a bien insisté là-dessus. J'espère qu'ils sont tous bien en vie. Que personne sinon, imagine la honte sinon. Pour les autres, ça ne vous concerne pas. Je propose que personne réponde. Imagine t'es vieux et tes parents sont morts. Trop bizarre. Ils sont morts tous les deux. Mais regardez la dernière vidéo de mon frère. Ça coupe ça ou pas? Bon, on verra pour le moment. Voilà, allez, vous allez dire quoi, Pauline? Pardon. Bah, que les parents, c'est merci à eux de nous avoir mis sur terre. Non, mais qu'on les entend souvent faire des contractions comme ça. On propose un applaudissement quand même. Voilà, ok, ok. Doucement parce qu'elle est hyper sensible. Ouais, c'est une punition pour moi. Petit applaudissement pour le fait de posséder. Avant, je disais un peu ironiquement des champs max et des mettre man à la fin des mots. Je le fais maintenant clairement au premier degré. Ironiquement. À la base, c'était ça. Ironique man. Ironique chanson. Et maintenant, je le dis vraiment au premier degré. Non, mais j'ai. Au premier degré. Premier degré déjà. Moi, je dis coulos. Ah, Koulos, j'adore dire Koulos. Koulos, c'est Champmax, c'est mes deux préférés. Oui. Moi, vraiment, j'aime beaucoup ça. Venez, on fait la liste un peu comme ça. Pendant une heure et demie, allez, on voit ce qui se passe. Un gros Tamil cool. Nadu, putain. Tamil Nadu. Je crois que personne n'a envie de répondre. Oui, ça nous met tous très mal. Mais moi, déjà, le nom me fait penser à autre chose. C'est une région, Tamil Nadu. Katmandou. Tamil Kombal. Non. Jérémy Nadoul. Oui. Non. Raphaël Nadal. Oh, ouais. Wow. C'était pas ça sonnait bien. L'enchaînement il était cool un peu. C'est presque musical. Musical hein, c'est clair. Oh, allez, on fait musique les gars. Allez. On est tous des icos. Bagarre. Qui a dit bagarre? C'est moi. Tu pas vois, moi. C'est fou, je le savais pas. C'est lui en premier qui l'a bon, dit. Bon, je vais vous dire la réponse. Non. Attends. Jamais, en plus c'est de l'audio donc il dit. Est-ce que ça a rapport avec le Covid? Est-ce qu'il est sympa ce monsieur? Il est justement, il est adorable. Il est adorable. C'est un mec. Écoute, j'ai bouffé avec lui. Il a le cœur sur la main. C'est une crème. Il a fait une promesse. Est-ce qu'il y a un revenu universel? Universel, ouais. Non, mais il a fait une promesse. Il a fait plusieurs promesses. Il a promis. Je peux vous en donner une peut-être et vous essayez de trouver. Vas-y. Il a par exemple promis. De. Attendez, j'essaie de dire pas forcément. Il a promis à chaque habitant des robots qui font le ménage à leur place. Bon, moi je vote pour lui déjà tout de suite. Par exemple, non, donc est-ce que vous en avez d'autres? Vous avez mais d'autres c'est idées un... Non, mais c'est un est-ce peu que comme c'est le... un enfant de 10 ans? Parce que c'est vraiment très bizarre ouais. comme promesse. Alors, oui. Vous aurez des bonbons en main tout le temps. Des jacuzzi. Bonbons gratuits. Et les filles, bah, pas le droit de nous faire des bisous. Parce que c'est carrément nul. Et les voitures, elles volent même. Des jacuzzi dans lesquels les oiseaux ne viendraient pas. Non, pas du tous tout les profs à la poubelle. Mais. Est-ce qu'il a promis que les singes allaient devenir gentils? Non, pas du tout. Pas ça. Moi, ça m'a traumatisé cette histoire de singe. Je vais rêver de ça cette nuit. Pour moi, c'était mignon, un singe. Est-ce qu'il a pas promis un monde de justice? Non. Et la paix, tout simplement. Un monde parfait, Ilona? Ilona Mitra. Ouais. Un enfant, un chien, une chèvre? Non, pas du tout. Ça, c'est Nolwenn le roi, parfait. Ah bon? Non. Est-ce qu'il a. Nous, le renard à la belette. Ah oui, pardon. Mais c'est Mano. Ah, ça va une vitesse. Est-ce qu'il a promis deux enfants, une villa? sur la mer. C'est Big Flo et Oli, oui. Pas du tout. C'est qui? Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. C'est toujours Big Flo et Oli. Non, il a donc des robots pour faire le ménage. Quoi d'autre? Je dis A. Des t-shirts geeks comme ça. Des petits goodies. Non. Des goodies. Des porte-clés lumineux. Un petit stylo. Des vélos. Des vélos. Non, pas des vélos. 3 tonnes bag. Non. Est-ce qu'il a promis d'autres objets, enfin d'autres biens matériels? Exactement. On est quasiment que sur des biens matériels. Ah ok. Ah, pas mal. Une casse. Non. Un des vêtements. Garni. Non. Il a promis de la Jean Castex. Non, non, pas du tout. Des vêtements. Non. De la nourriture. Non. Un véhicule. Une voiture. Une voiture par personne. Oh. Wow. Ah, électrique. Ah, mais c'est très polluant. Une voiture. Juste une voiture. Juste une voiture. Le mec s'en fout. Il veut des robots, des voitures. Non, mais c'est ça. Vous êtes sur la bonne voie. Non, mais okay. C'est comme le mec aux États-Unis là qui avait une botte sur la tête là. Donald Trump. Ce mec. Donald Trump. Mais pas du tout. Il a promis. Attends, si on va dans la logique, il a promis des emballages en plastique à chaque magasin. Non, c'est possible tout, avec la suite tout. Là. Non. Il a l'air d'être 5 litres un drone à renverser par un drone. Des sauts de pétrole. Non, pas de sauts de pétrole. Un il y en chien. A un qui est magnifique. Mais attends, je comprends un pas. Chien. C'était des réponses la voiture. Oui, oui, c'est des promesses qu'il a fait. Quoi, mais... Il a tué chacun. Il a promis de supprimer tous les cendriers pour que les gens jettent leur mégot par terre. Non. D'ailleurs, Maxence, un avis là-dessus? Bah arrêtez quoi. Un iPhone. Un iPhone. Non, un mais t'es trop fort. Ah mais attends, mais attends. En fait, c'est beaucoup plus simple que les choses qu'on trouve là. Bah, oui, alors on réfléchit bizarrement. Un iPhone, un iPad. Clairement, non. Si on est ici télé, aujourd'hui, une Apple Watch, une télé. Non. Attends, une voiture, un iPhone, un enfant, un coffre de toi. Non, vraiment, pas un coffre de toi. Un être vivant. Non, mais je peux vous dire les autres. Des objets électroniques. Des souvenirs. Un iceberg artificiel à mettre dans l'océan. Ça, ça peut toujours servir en vrai. Un hélicoptère. Par habitant. Mais quoi? Et un voyage gratuit sur la Lune. Mais uniquement pour les gens qui ont voté. Oui, mais c'est un zozo. Il a 10 ans. Mais c'est un zozo, il veut faire le buzz. Mais alors, ça, il veut faire le buzz. Il a un blog, il a un blog. C'est sûr. Il est sur Blogspot. Ça, c'est ceux-là qui veulent faire le buzz. Hein, il veut se retrouver en TT sur Twitter, celui-ci. Il veut faire un top tweet, l'autre. Ne touche pas à mon poste. Allez, je l'ai vu sur la Facebook, là. Alors non, en fait, il y a un but politique à ça. Et ah oui. Bon. Est-ce c'est que dénoncer les politiques qui font des promesses qu'ils peuvent pas tenir. Voilà. Et voilà. Boum. En fait, apparemment, en Inde, beaucoup de candidats proposent des cadeaux en fait en échange de voter pour eux. Bah, si vous votez pour moi, vous aurez chacun une télé. Est-ce que ce serait pas du chantage finalement? Non, mais en tout cas, lui, c'est le mensonge. Voilà, je vais vous faire des promesses qui n'ont aucun sens. Il a fait effectivement le buzz. Et le jour où je suis élu, je vous les retire. Non mais en tout cas il a dit voilà, arrêtez de voter pour des gens qui genre vous offriraient des cadeaux. C'est un beau message. Jamais c'est de la vie. Bah ouais, bah il dénonce le mec. Bah ouais. Dans la catégorie sondage flingué qui n'a aucun sens, parce qu'à chaque fois nous dans l'émission on parle d'un sondage qui vraiment est basé sur très peu de choses. À votre avis, qu'est-ce qui aiderait à trouver l'amour lors d'une date? Qu'est-ce qui favoriserait les rencontres amoureuses? Waouh, c'est très vague. C'est très très vague. Bah oui, mais c'est pas. Alors, qu'est-ce qui favorise la... Il y a plusieurs choses à trouver. Ou qu'est-ce qui fait que le date est réussi? Le consentement déjà. Oui. Oui. Bien joué. Fayot. Fayot. Non, quelque chose qu'on utilise. Partager. Il y a plusieurs choses à trouver. Non, il y a qu'une seule chose. On a tous des images. Qu'est-ce qu'on utilise? Partager un moment. La sincérité. La sincérité. Non. Être beau à l'intérieur. Ouais. Non. Attends, tu dis quelque chose qu'on utilise, c'est un se truc concret ou c'est concret, c'est concret. Bah, l'alcool. C'est un concept. Non, c'est pas l'alcool. Et bah, les applications de rencontre. Alors non, mais ça peut être utilisé pendant les applications de rencontre, par exemple. Ah, les émoticônes. Exactement. Ah, je suis vieille aussi. Oui, c'est pour ça que tu dis aussi, parce qu'on est tous jeunes. Ah oui. Je comprends pas. L'emoji aubergine. Les emojis. Bien bah sûr. Oui, oui, évidemment. J'avais lu ça. Voilà. Ça rend sympa en fait. Ça, qu'est-ce ça a que l'air tu as sympa. Lu pour lire ça? Moi j'adore les sites de rencontres. J'ai même écrit une chanson qui s'appelle Les sites de rencontres qui sera disponible en 2035 en même temps que mon album. Bam. Donc oui, apparemment les emojis favoriseraient les rencontres. En tout cas, ils ont fait une étude sur près de 5327 célibataires américains. Et l'étude met en avant que ceux qui utiliseraient les emojis ont plus de premières dates et plus de relations sexuelles derrière lorsqu'ils les utilisent. C'est quoi votre emoji préféré? Mais tu plaisantes, mais Adrien a fait un Twitch, tu peux raconter? J'en ai c'est même plusieurs. Ouais, enfin, c'est pas très intéressant. Déjà, fait un Twitch. J'ai fait un Twitch. Oui, oh là là. Est-ce que tu fais le rap? Fais-nous un rap. Moi, j'écoute des raps parfois. Même qu'il y a des gens qui ont sebé à son truc. Hein. Ouais. Ça, non, mais est-ce que c'est une tier list? Bien sûr. Voilà, j'ai fait une tier list de tous les emojis. Non. Une cheerlist. Ah, t'es old. Moi, je suis très old. Une cheerlist, c'est juste un classement. Tu classes en catégorie des trucs. N'importe quoi. Une liste de courses. Des biscuits. Non, par exemple, les personnages de Harry Potter. Non, t'as dit que t'avais jamais. Non, c'était faux. C'était faux, d'accord. Tu vois, tu fais une tier list des personnages d'Harry Potter, d'accord. Que j'ai fait aussi d'ailleurs sur Twitch. Ouais. Et en gros, il y a par exemple catégorie nul à chier, catégorie bof, catégorie ok, pas mal et catégorie génial. Et okay. En fait, tu les répartis dans toutes ces catégories. En argumentant et voilà. Tu les as tous fait. Tous. Non, peut-être pas tous. Okay. Non, c'était pas tous parce qu'il y en a, c'est oui. Genre. Mais c'était, il y avait une grosse sélection quand même. Et voilà, du coup, mais c'était assez intéressant. C'était marrant. Enfin, c'était marrant, pas plus qu'intéressant. Ça a l'air. Mais vous utilisez. Non, mais écoute, ça a l'air. Moi, je suis diverti, ça diverti. Quel putain. Moi, ça a l'air ta merde. Ouais. Je ne veux plus en entendre parler. Moi, j'utilise jamais d'emoji. Moi, je trouve. C'est parce que je suis un vieillard, mais j'utilise. Je trouve ça ringard, les emojis. Mais moi, non j'avais ce postulat-là, et de plus en plus, j'en utilise. Ah ouais, pareil, parce qu'à la base, j'utilise ça ironiquement. Ouais. Et au final, vu que plein de gens utilisent, bah, je suis allé, vas-y. Tu vois, j'ai un peu ce truc de je suis en max et coolos. Parfois, c'est un peu passif-agressif, je trouve. Il y a des gens qui te mettent des smiles, tu sais, qui te détestent, en fait, derrière. Mais comme dans la vie, en fait. Plein d'œil. Mais au fond, c'est juste assez pratique, hein. Ouais, ça évite de développer parfois. Ouais. À l'inverse, des fois, là où il écrit, il est vraiment dur à percevoir, ça aide aussi vraiment à percevoir le. Ça donne le ton. C'est vrai que c'est l'inverse. C'est ce qu'on a dit dans. Bah ouais. Vous trouvez vraiment que ça m'aide? Moi, je vois vraiment les emojis qui permettent de mettre. Mais peut-être que tu mets plein de points d'exclamation pour compenser. Bah, c'est horrible. C'est horrible. Imagine, tu dis, t'es sûr? Plein de points de suspension, c'est terrible. Non, je sais pas comment on dit. Alors que si tu mets un petit smiley gêné, tu vois, ça change. Mais de t'es sûr avec un clin d'œil. Oui, tu vois, ça change. Le smiley gêné, c'est celui avec la bouche comme ça, avec les dents là. Ouais. Moi, j'avais totalement ton avis, mais au final, je me dis que c'est une manière un peu de remplacer. Non. Ton expression faciale dans c'est la vraie vie. Exactement, l'expression faciale. J'ai pris l'expérience. Ah, moi, moi, j'arrive pas. Mais après, moi, je comprends. Avant, j'utilisais même les genre point virgule, ouvrir la parenthèse. Oui, non, mais de même. Smiley. Et moi, je mettais des points à chaque phrase aussi. J'ai arrêté. Ah oui, parce que les gens, ils le prennent mal, ils le prennent comme un truc catégorique. Finir un message par un point. C'est vrai que les gens prennent mal. Devenir agressif. Mais ce qui est drôle, c'est les dans la vraie vie aussi, finir par un point. Par un bout de point. Oh, bah, dans la figure, tu veux dire. Oui, dans la figure, bien sûr. Parce que les gens ne voient pas ton geste. Bah oui. Pardon. Et les gifs. La Sim Camille de Chevalier du Fiel, pardon. Les gifs. Bah pareil, les gifs, j'arrive pas. Ça te met mal à l'aise quand quelqu'un t'envoie un chat. Un gif. Alors, avec Maxence, on se crée des gifs. Ah oui, de nous-mêmes. On va vous les partager après. Okay. Dans le secteur privé. Voilà. Ah, vous êtes à poil, merde. D'accord. Non, il y a encore mieux. Je ne veux pas les voir. Tu peux créer des stickers sur WhatsApp, c'est incroyable. Tu sais, c'est un truc que t'appuies direct et ça envoie. C'est un gros émoticône de toi-même ou de ce que tu veux. C'est génial. Non, c'est ma recommandation culturelle. Voilà. Ah non, mais moi je suis incapable de même ça, des gifs et des trucs. Incapable, arrête. Non, je suis capable. Franchement, t'as le potentiel. Tu peux le faire. Ouais, franchement. Je pense que ça fait. En fait, je me sens jugé dans mon utilisation de ces trucs-là. Je comprends maintenant. D'autant plus dans la drague. Moi, je trouve qu'un emoji, ça peut être tellement mal interprété. Bah, tu choisis. Évidemment, tu mets une aubergine. Bah oui. Non, mais par contre, ce qui est marrant, c'est la mauvaise utilisation souvent des parents de certains emojis. Ah oui, ils deviennent extrêmement gênants à un moment. Bien sûr. Il y a un combo qu'il faut éviter. Je dois avoir le screenshot encore de ma mère qui m'avait envoyé Marie-Lou est morte avec le smiley qui pleure de rire. Peut-être que ça l'a fait vraiment rigoler. Peut-être. Parce que, tout est contrôlé. Elle a rajouté XPTDR. MDR, tu sais pas quoi. Alors est-ce qu'on revient pas au MDR là petit à petit, hein, les jeunes. MDR revient. Non, au MDRR. Oui, avec beaucoup de R. Et le cochon qui danse, est-ce qu'il reviendra? Moi, c'est le oui, les Wiz. Il a juste dit Wiz, mot clé. Oui, j'ai compris. Les Wiz. Exactement. Parti manger. Wiz Khalifa. Un homme a été le condamné. Chanteur là. Bah oui, bien sûr. Wiz Khalifa. Black and Yellow. Lupe Fiasco. Un homme a été condamné lourdement à Salt Lake City après avoir volé quelque chose d'absurde. À votre avis, quoi? Où ça, il a été. Ah, dis donc, ça va la contre soirée là. Eh oh là, on croyait où là? Je lui montre le screenshot. Toujours sur son portable, Adrien. Voilà. Celui-là, hein. Je vais te le confisquer. C'est les jeunes, hein. Je vais te le confisquer, hein. Lève ton nez. C'est bon, détends-toi, mec. Est-ce que tu manges vraiment des cookies et du coca ou c'est pour faire jeune? Cookies, coca. Après, c'est nous qui sommes farfelus, hein. Je veux pas dire, mais bon. Tu veux me regarder. Un homme a été condamné lourdement à Salt Lake City après avoir volé quelque chose d'absurde. À votre avis, quoi? Un animal. Un aspirateur sans fil. Non. De chez Dyson. Et c'est toi. J'ai un problème. Moi, je n'entends jamais quand tu dis les énoncés. Tu peux rappeler. Mais toi, à l'école, tu devais être dans le bulletin. Tu devais dire. Je suis dans mon univers. Je suis dans ma bulle. Une tête diams, de linotte. Je fais typique. Ma mère, elle me disait couillon de la lune. Oh oui. Quand j'étais petit. Ouais. Je sais pas d'où ça vient. Quel nom de ton deuxième album d'ailleurs. Oui, assez connu. Ça vient de Jean-Marie Bigard, je pense. Tu crois? Oui, Bigard, il aurait pu. C'est assez connu, c'est pas tellement. Ah ouais. J'ai pas reconnu la finesse. Ta mère est pas si ouf. Arrête. Oh non, si, je l'aime bien. Non, mais elle disait idiot. J'aime bien. Donc, et concentre-toi, Maxence. Un homme a été condamné lourdement à Merci. Salt Lake City. Mais oui, tout attends, le monde mais je suis en train de servir de l'eau à nos convives. Merci, donc, c'est... Julien. Ah, de l'eau, c'est pas utile. Ringard. L'alcool, c'est de l'eau. Un homme a été condamné lourdement à Salt Lake City après avoir volé quelque chose d'absurde. À votre avis, quoi? Il a volé quelque chose d'absurde. Voilà. L'orange. Okay. Du marchand? Bien sûr que non. Nadine Morano. Il a volé le livre Le Vol pour les Nuls. Silent Toe. Oh, ce serait beau. Non. Et du coup, il s'est fait choper. Non, pas du tout. Une statue? Non. Non. Une machine à café très grosse comme non. dans Caméra Attends. Café. C'est un objet? Pas jeune. C'est un. Alors c'est pas. Oui, c'est pas vraiment un objet. Ok. Est-ce qu'il aurait pas volé mon amour propre? Non. Faudrait bien qu'il le rende maintenant. Ouais. C'est gentil. Non. C'est quelque chose dans un musée? Il a volé notre liberté. Non, et ça c'est le macaron, moi je trouve. Eh, c'est le Covid. Est-ce que c'est un objet du mobilier urbain? Non, pas du Est-ce tout. Est-ce qu'il l'a volé pas à, tout, à une autre personne? Pas du tout. Pas du tout. Pauvre merde. Allez, vraiment pas. Absolument pas. Est-ce que il c'est un volé... truc compliqué à voler? Genre non. du carrelage? Ah bah. Ce n'est pas du carrelage. C'est vrai que c'est dur, mais non. C'est hyper dur, j'ai déjà essayé. Il l'a volé à quelqu'un d'autre? Oui. Ah, c'est un particulier qui l'a volé? Il l'a... Ou... À un pote? Ouais. Non. À son oncle? Non. À une sœur? Non. C'est un inconnu de la famille. Est-ce que c'est petit? C'est pas très grand. Est-ce que passeport. C'est, pas, tr- c'est plus grand. Pas très grand. Il a volé un arbre à chat. Plus petit. Un radiateur. Des objets un autour petit de toi. Je regarde vraiment ton salon. Il a volé une poupée gonflable. Non, donc. Pas du tout. Pas du tout. Pardon. Tous les spectacles de Dieudonné là. Maintenant. On pourrait se servir de cet objet maintenant. Oui, on pourrait. Maintenant, là, tout de suite. Oui. Un agrandisseur de pénis. Il y a Julien qui est en train. Vous êtes encore sur la blague de ce genre, c'est des objets de chez moi. C'est ça. Oui, une blague de jeune. Un agrandisseur de pénis. De sexe, non, non, c'est pas une blague. Non, il rit de la blague de Dieudonné. Hein. Oui, oui, oui. Mais Julien, ton rire. Julien adore les blagues de Dieudonné, on peut le dire. Non, non, non, non, non, non, non, non, surtout pas. Il a le beau rôle. Non, mais c'est le truc de dire là, tu vois, c'est de l'audio, donc on peut vraiment dire ce qu'il y a chez toi. Bien sûr, l'audio KPO. Oh. J'ai hurlé. Oh. T'as dit quoi? Claudio Capéo. L'audio Capéo. Moi je me la supprime. Si ça, vous n'aimez pas les jeux de mots, peut-être partez. On est un peu tard. Vous êtes peut-être déjà plus là d'ailleurs. Sûrement. Non, c'est quelque chose. Alors c'est pas quelque chose qui va garder très longtemps. Un glaçon? Non. Apparemment la liberté du coup. Sa virginité? Non plus. Ah bah c'est quelque chose qui se mange peut-être. Bardot, exactement. Ah, ouais, il a volé une baguette de pain, un gâteau un mariage, une pizza, des pâtes, des spaghettis, une pizza. Une pizza. C'est une pizza exactement. Wow. Il a volé une pizza. Alors je vais vous dire pourquoi il a été lourdement condamné. C'est une histoire c'est terrible. La c'est-à-dire pizza du maire. La pizza non, du maire qui avait sauté. Voilà. Pizza, qui était dans un musée à l'humain. C'est ce que font les humoristes en général. Ils font des liens. Ils rebondissent, ouais, c'est ça. Des très belle analyse, gags, on appelle ça. Elle était préparée par un mafieux sur YouTube. Allez, le jacuzzi. C'est un callback. Je l'ai fait tout à l'heure avec le jacuzzi. Bon, ouais. C'est ça, j'ai capté. Ouais, ouais. On n'a pas mais mais. Ouais, je l'ai fait. Non, non, je voulais juste dire que je l'ai fait. Il s'énerve. Pardon. Quand il s'énerve, il est dans les aigus. Elle est copie comique, monsieur. Il a volé une pizza et des petits breadsticks. Comme des graissins un peu. Et bâton en gros, de pain. Il a menacé la manageuse de lui ouvrir la gorge. Ah oui, non, ah, bah, oui. Ce qui est pas sympa. Avec c'est info insolite. C'est un peu exagéré. Hein. Il a menacé de mort quelqu'un. Parce qu'elle a dit bah, non, non, rends-moi la pizza. Il a dit je t'ouvre la gorge en fait. Donc elle a fait oui, bon, bah, prends la pizza. Il a volé une pizza juste après avoir tué 5 personnes. Non, mais en gros, mais c'est pas ça, mais pas si loin. Ah, et donc, okay. En fait, donc elle appelle les flics en disant bah, il a volé une pizza, il m'a menacé de mourir à la gorge. Pas très feel good. Ils le suivent. Il y a une course-poursuite de plusieurs heures. Donc vraiment par rapport au et un vol de pizza. Il a la pizza dans la main. Et oui. Pendant qu'il court. J'imagine ah, qu'il je la veux croque. Voir ça. Il l'a livré. Hein, un ça carton. Il a dit mais sans anchois, putain. Laissez-moi la réchauffer. Donc ça a duré plusieurs heures. Pour au final se faire arrêter et en fait il avait de la kétamine dans son coffre et c'était un cheval et c'était oui c'est ça il le savait pas donc bref il a eu une très grosse amende au final juste alors qu'à la base il a juste volé une pizza donc alors... il s'est fait choper pour un truc beaucoup plus grave bah, en fait oui il y avait bah, de la drogue en fait un délit mineur un peu un peu comme Al Capone. avec Al Capone. Ah ouais, bah Al Capone à l'époque de la... Moi j'avais un autre, une autre ref. Ah bah, vas-y, tu nous le diras. Oui, Al Capone, sûr, en fait, c'est à l'époque de la prohibition. Il a, c'était un criminel qui a tué, qui vendait de l'alcool à l'époque où c'était interdit à l'époque. Mm-hmm. Et il s'est fait choper parce qu'en fait, il a pas bien déclaré ses impôts. Ah, mais oui, et c'est vrai, comme ça qu'ils l'ont chopé. Ils l'ont, oh, fait, ils l'ont fait. Ah ouais, mais comme quoi. C'est pas le roi. Non, mais j'ai juste participé. Oh, je mais savais je crois que même pas. T'adores les onomatopées, je crois. J'aime beaucoup, ouais. Elle adore et la kétamine aussi. Vous avez déjà pris de la kétamine? Bah, c'est ma question alors, parce que vous êtes tous farfelus. J'imagine, hein, que vous prenez de la kétamine. Quand même. Adrien, c'était qui toi? Non, mais bon, en fait, c'est le mec qui a commis les attentats de Oklahoma City. Bien sûr. Il a posé sa bombe, il est parti avec sa voiture. Et en fait, sur le chemin, il s'est juste fait contrôler par les flics pour un truc vraiment, oh là, nul. Là, un phare. Et, ouais, et après, les flics, pendant qu'ils étaient en train de le contrôler, ont entendu « il y a eu un attentat, machin ». Et en fait, c'était lui. Donc, il se fait choper comme ça, de façon très nulle. Ah, ça devait être drôle. Ils ont dû se regarder, genre. C'est super drôle. Est-ce que c'est toi? Ils ont la description du gars. Ils font « ouais, ouais, ouais, ouais, ok, bah, oh, c'est lui. » C'est lui, c'est lui. Il a un phare cassé. Il a un phare cassé, quand même. Il s'agit du flot de cash. Chers amis, on va passer à la nouvelle, à une autre partie de l'émission, les questions. C'est-à-dire que j'ai annoncé votre venue, oui, À nos amis auditeurs qui nos amis, non, pas tant que ça, non, nos amis, parce qu'il y a sûrement on les gens déteste, infect, pas vraiment. Pas vraiment. Ne nous adressez pas la parole. Non, non, vraiment pas tant que ça. Mais les auditeurs, voilà, ils avaient des questions pour vous tous, et donc je les transmets. Voilà, je ne suis qu'un messager au final. Merci. Une question un petit peu pour tous les musicos autour de la table. Adrien. Adrien. Ouais, je suis musicos. C'est ton moment. Écoute. C'est le moment de shiner, frérot. Préférez-vous... Je suis en train de faire un son. Préférez-vous... Ben justement, préférez-vous composer sur des logiciels ou sur des instruments physiques, même synthétiseurs? Quel est votre avis sur les possibilités actuelles de la production relou musicale? Tu peux répéter. Boring. Putain, si je m'embarque là-dedans. C'est Julien. Vas-y, c'est Julien, vas-y. Il a l'air de Les gens posent la question. Chier sur notre public, sinon je vous en supplie. Non, mais c'est vraiment. J'ai pas envie. Moi, mon avis sur la production actuelle, c'est que je trouve ça génial qu'on puisse vraiment tout faire avec rien. C'est-à-dire, enfin rien. Avec un Mac à 2000 avec euros. Avec un Mac un peu cher. On peut faire sans Mac avec même des... Avec un iPad par exemple. Voilà, je crois. Un modeste 600 balles. Si on n'a vraiment pas les moyens, on peut prendre l'iPad Pro. En quoi, vrai, vraiment. Je mets des guillemets, mais il suffit maintenant d'un ordi et un petit clavier. Même avec un téléphone, on peut brancher un petit clavier. Ouais. Et c'est cool parce qu'on peut tout faire maintenant. Je vois tout l'EP que j'ai fait là, je l'ai composé vraiment dans des loges ou dans le train avec un petit clavier de base. Après, moi je suis un peu geek de synthé, donc j'aime bien refaire passer dans des gros synthés analogiques et tout. Et là, je reprends le plaisir, du coup, pour revenir à la question, de passer sur des instruments. Alors, pour composer, j'aime bien rester simple avec des prises, ce qu'on appelle des prises MIDI. Le geste du piano. Voilà. Et après, j'aime bien tout faire un peu, rejouer une fois que c'est composé. Tu vois, si j'ai le luxe de pouvoir prendre de la vraie basse, de la vraie batterie et tout, et j'y vais à fond, je trouve qu'il y a de plus en plus un retour au groove dans le son, surtout en ce moment, et au vrai son, entre guillemets. Dans le sens, le son analogique et tout. Je suis pas du tout d'accord. Oh là là. C'est pas vrai, c'est pas vrai, j'ai aucun avis. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut tout faire maintenant, mais on peut plus rien dire. Ah, mais je suis bien d'accord. Ça, par contre, d'ailleurs, merci. Didier Bourdon va sortir un album. Parce que Didier Bourdon, il a fait une chanson qui s'appelle On peut plus rien dire. Ah bon ? C'est pas vrai. Il y a longtemps, il y a longtemps. J'aimerais vraiment ne jamais l'entendre, je pense. Oui. C'est faisable. Ah oui. Moi, comment je fais de la musique ? C'était pas ça la question. Si, bah, en gros, quel est ton avis sur logiciel ou instrument ? Les physique. Gros mots là. Moi. Oh là là. Fais les gros mots. Maxence. Et Maxence, coupe tes cheveux, s'il te plaît. Fais les gros mots. Il aime pas ce qui se passe. Fais les gros mots. Ah, je me sens mal. Fais la chose, mais là. Fais les gros mots. Ah, j'ai l'impression de. Tu sais, un coche. Vraiment, je suis dans une situation de coche. On est deux oncles. Deux oncles à Noël. Est-ce que t'as vu dans ta chanson, là. Un certain Shrek, quand il y a un mec qui lui dit. Un petit garçon qui lui dit fais ton greu, fais ton greu. Et Shrek, il veut pas. Il veut pas. Et il finit par péter un câble. Il hurle. Après, greu, il perd sa femme et ses enfants. Pas. Et c'est la fin. Je me souviens pas de la scène. C'est exactement ce que t'es en train de vivre. Il picole et tout. Il sombre dans l'alcool. Il style Eleven et tout. Et il devient encore plus moche. J'adore Shrek. Elle dit plus moche, donc c'est... Wow, je prends bien. Non, je parle de Shrek, pas toi. Ah, il y avait une comparaison, non, Peter, non, c'était pas ça le gars. Oui, oui. T'as plus le mental de Shrek, en vrai, plus que le physique. Saloperie de pute. Quel bâtard. Ça craint. Mais fais-le. Ouais, j'arrête, pardon. Regarde ses veines, elles sortent. Il a les veines en Y. C'est parce qu'il me fait beaucoup rire. C'est Maxence qui fait une crise d'angoisse. C'est parce qu'il me fait beaucoup rire. J'ai du CBD si tu veux. J'arrête. J'adore. Je fume là. Mais ça va les jeunes. On fume la buzz. Eh ouais, nous les jeunes on fume CBD. Maxi, vous fumez vos baskets, j'ai l'impression. CBDAV. Non mais CBDAV. La phrase de. On CBDAV. Non, on CBDAV, ça peut prendre, moi je pense. Oui. Oui. Dans un certain milieu très très fermé. Je pense, bord du canal Saint-Martin, les gens qui font des petites pétanques peuvent dire je sais bédave. Du moki. Et ils fument du cébed. Du coup. C'est tu vois, c'est un petit. Ah, non, en plus, on fait un teasing, non, elle est pas intéressante ma réponse. Mais si, est-ce que tu préfères instrument physique ou. Bah, moi j'aime tout. Voilà, voilà. Bah, super. C'est bon, allez. Question suivante. Et c'est ton bon. Avis sur le groove. Mon avis sur le groove. Fais le groove. J'adore quand ça groove. Alors, tu sais pas, j'ai une autre question. Quel bordel. J'ai une autre question qui peut-être justement rebondit un peu sur ce qu'on fait. Comment vous sentez par rapport à l'auto-promotion? Comment faire pour promouvoir son projet, ici sa musique, à beaucoup de monde sans avoir peur d'être lourd ou gênant? Ah ça. Oh bah ça on l'est hein, de toute façon, oui. Lourd et gênant. On l'est, mais je pense qu'il y a une des portes possibles à prendre, c'est la dérision. En tournant à la dérision ce que t'es en train de faire, en le prenant pas regardez, vraiment sérieux. Regardez, c'est le pire truc, je veux dire. Mais non. C'est le pire truc. Mais je suis jamais d'accord autour de cette table, j'adore. Moi, j'ai même pas compris les. Moi, c'est vrai, tu peux être mal à l'aise quand tu publies trop de trucs. Quand, je sais pas, t'as sorti un clip et t'es là, j'ai pas envie de saouler les gens. Ah oui, oui. Et bah, du coup, tu vas un peu tracher ton propre clip. Enfin, moi, des fois, je reprends des commentaires. Oui, moi, je reprends des commentaires de rageux, par exemple. Ah, ok. Comme si t'étais un peu. Et après, j'ai publié en mode, j'avoue, j'ai vraiment de la merde. Et du coup, je suis sûr que les gens ils vont voir par curiosité en mode mais si on dit souvent qu'on parle de toi en bien ou en mal. C'est toujours la bonne. C'est la petite voix marrante que tout le monde fait un peu comme ça. Hein que tout le monde sait un peu faire. C'est Maïté tout le temps. Oui, voilà. C'est Jean Castex. Oui, bien sûr. Tu sais, quand tu veux rendre un truc un peu plus marrant que t'assumes pas, tu fais un petit accent. C'est plus Maïté que Castex. Il y a plein de gens qui savent. Je suis né dans le village où il y a le resto de Maïté. Voilà, c'est tout. Je la connais. Elle m'a déjà fait un goûter. C'est bon pour vous. Allez, merci. C'est bien, on m'avait dit qu'il y avait des stars autour de cette table. Je suis sûr qu'elle t'a mis des oiseaux décédés à l'intérieur. Alors, tu es dans des jacuzzis. Elle a appuyé sur un oiseau pour faire sortir ses entrailles. Gras et tout, moi j'aime pas en plus. La vidéo. Ah, c'est vrai qu'elle faisait ça avec quoi une anguille. Oui. Il y a une vidéo, elle suce la tête de Nortolin. Oui. Non, le cul. Le cul. Le cul. Oh, bon. Le croupion. Et t'entends les bruits de bouche. Ça n'a rien à voir. Et à un moment, la tête suce le cul d'un Nortolin. C'est vraiment. Alors attendez, parce qu'il y a juste un problème avec la question, c'est que ça n'a rien à voir avec sucer le cul d'un Nortolin. Tout est lié. Non, c'est vrai, c'est pas ça, c'est l'autopromotion. Oui, mais au moins, on a le titre de cet épisode et j'en suis très content. J'en suis très content. Et il y a vraiment la tête de Nortolin qui tombe, ça fait. Ah oui. Il a encore fait ce bruit. Oh, j'en perds la tête. Et pas tant. Donc. L'autopromotion. Ah, mais oui. En plus, de faire de l'autodérision, ça peut fonctionner sur certains types de musique, moins sur d'autres. Ouais, mais Jacques Brel, s'il faisait genre, oh, c'est un peu de la merde. Enfin, tu vois, ça me rassure un peu, ça me fait moins prendre les choses au sérieux et tout. Bien sûr. Donc, voilà, de manière générale. Après, c'est vrai que c'est vite relou de devoir un mais peu. Mais en fait, je pense que t'es pas obligé. Enfin, moi, je vois des artistes, ça se voit, c'est leur label qui leur a dit de faire tel truc et ça paraît pas du tout naturel. Ouais. Mais si toi, tu le fais et que ça t'amuse, je pense que c'est cool. Après. Je pense qu'il y a toujours des moments où on en a hyper marre de voir notre gueule et il faut supprimer les applications pendant 2-3 jours, sinon tu vrilles. Mais c'est aussi super cool pour des gens qui commencent dans la musique de juste se dire « Ah, je vais créer une page Instagram et ça va être le début de mon projet. » Alors que je pense qu'avant, à l'époque de Adrien, par exemple... Ouais, je m'en rappelle. Oh là là, c'est terrible. Non, mais on avait... Avant, c'était peut-être plus genre des fanzines et des trucs. Ouais, ouais. Et fin, quand c'était un crieur sur la voie publique, en fait. Quand l'imprimerie est apparue... Tu pouvais mettre ton disque dans la bouche d'un pigeon voyageur qui allait directement chez Polydor. Non, mais donc, sur un gramophone. Y a des côtés hyper chronophages, dégueulasses, la merde, caca. Et puis il y a aussi des côtés super cool parce que bah, moi, par exemple, la plupart des opportunités que j'ai eues en musique et même dans d'autres trucs. C'était tout sur Instagram parce que j'avais fait mon auto-promo. Il y a des gens qui sont arrivés et qui m'ont dit ah, je t'aime bien, j'aime bien quand tu fais ça, vas-y danse ça devenait bizarre GTM Pokora ça, okay. Il est certifié. Oui, mais d'ailleurs, Maxence et toi, Pauline, vous partagez ce truc de. Vous avez un on peu est fan de d'être drôle et beau. C'est déjà. Et de ressembler un petit peu à Maître Gims quand on chante. Et d'être zèbre. Non, mais vous accompagnez vos projets musicaux avec des petites vidéos. Par exemple, toi, t'as Julien aussi, non fais... Non, mais sur YouTube. Moi, je fais pas, sur YouTube. Moi, souvent, ce que je fais, c'est sur Instagram, je mets des petits moments de studio qui me font ressentir un peu de liberté de pouvoir sortir quelque chose comme ça en posant mon téléphone 5 minutes. Et de pouvoir pas réfléchir et faire une vidéo d'une loupe que j'aime bien comme ça juste pour l'envoyer vraiment pour le plaisir. Et je te rejoins là-dessus, ça m'a ouvert plein d'opportunités dont je peux pas encore parler, mais c'est assez fou. Grâce je pense que tu voulais dire teasing. America. On est youtubeur. Pas youtubeur, mais plus des vlogs français, par exemple, à vous suivre. Ah oui, alors ça. Mais alors moi on est à un niveau très bas quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas très très regardé. Non, mais moi ça me fait plaisir, mais je veux dire, c'est pas non plus un accomplissement en soi. Arrête de te rabaisser. Non, mais par contre, c'est bien pour apprendre à te connaître et apprendre. Tu vois, quelqu'un qui arrive et qui aime bien ta musique, je trouve c'est intéressant parce qu'il va apprendre un peu plus sur toi. Souvent, en fait, moi, j'essaye de faire le contenu que j'aime bien regarder chez les autres et du coup, je me dis, enfin, à chaque fois, j'hésite à poster et je me dis, vrai, je regarde des vidéos vraiment qui n'ont aucun intérêt et moi, je les trouve trop cool, donc je peux aussi faire des vidéos qui n'ont aucun intérêt. Voilà. Et de toute manière, on a une ère où je pense les gens t'apprécient plus pour personne ce que tu es. Personne te regarde donner la parole, tu sais. Ils l'apprennent. J'ai vu me donner la parole. J'ai vraiment vu me donner la parole. Genre, c'est parce qu'on est les deux plus jeunes et il y a un peu un truc de le petit dernier. Et surtout que ça va bien dans cette ère où les gens t'écoutent plus forcément pour ta musique seulement, mais aussi pour tes personnalités et aiment bien tes délires, quoi. Et il y a un retour à la sincérité aussi. Mais ça, je suis d'accord. C'est faux. Groove et un retour à la sincérité. C'est de la fausse sincérité. Alors, il y a des dérives. Non, mais il y a le côté aussi trop intrusif parfois où t'as l'impression qu'en fait tu connais à fond quelqu'un alors qu'en fait vraiment c'est un miroir aux alouettes. Limite, c'est une fausse chambre où il est en train de tourner. Et tu sais que c'est pas vraiment sa couette. Un miroir aux alouettes, tu connais pas cette expression? Non, je connais pas. C'est breton, je crois. Parce qu'en fait, tu mets un miroir pour attraper les alouettes. Et en fait tu mets un miroir, ça reflète le ciel. D'accord. Les alouettes, paf, elles rentrent dedans, elles meurent. Et c'est horrible. Bah oui. Et non, c'est pour dire, moi je trouve qu'il y a quelqu'un qui est très fort en autopromo sur Insta, c'est Yvick. Parce que quand il sort ses albums, il a vraiment des formats qui sont vraiment trop marrants. Mais raconte-nous une anecdote. C'est à ça que je pense. Quoi. Et il fait vraiment une anecdote de l'enregistrement. En fait, il a un petit générique en mode raconte-nous une anecdote. Et qui fait, déjà okay. C'est pas ça les notes. Et en fait, ça il se met à raconter une anecdote de studio, mais qui est totalement fake. Mais il la scénarise et il la fait partir trop loin. Et voilà. C'est trop drôle. C'est vraiment très cool ça. Il faut que j'aille follow. J'espère qu'il les a mis en story. Je screen. Même les vidéos qu'il avait fait pour la sortie de son album et tout, de ses deux albums, c'était hilarant comme ses autres vidéos et c'est ça qui était génial. C'est qu'en plus, il faisait la promo de quelque chose, mais aussi qualitatif qu'un autre truc qu'il aurait vraiment fait avec le cœur. Enfin bref. Carrément. Il est trop fort. Carrément. Il est fort. Question à tout le monde. Quelle est l'influence dans vos vies qui vous a poussé à faire la musique que vous faites aujourd'hui? C'est compliqué cette question. Influence musicale. Thérapie taxi. Mais aussi personne, caractère. Bref, je suis. Le dernier son de Dadju. En date, le dernier en date. Qui est sorti hier là? Ouais. Une nouvelle SH. Ouais, 2-3 jours. C'est très moderne dans tes influences. Ouais, carrément. Non, mais en vrai, là, c'est plus une question d'influence. Moi, je sais qu'il y a eu deux trucs précis. Michel Berger. Ah mais j'aime beaucoup Michel Berger. Mais ouais, je crois que je l'ai pas dit totalement au hasard, mais je sais pas pourquoi. Non mais sur la scène déjà parlé en vrai. Oui, c'est clair. Je l'ai dit sur le ton de la blague en me disant si je me trompe je dirais que c'est une blague. Et, tu vois, mais moi il y a un ton, je suis sur la ligne. Ça s'appelle un pervers narcissique. C'est un zèbre narcissique, ça n'a rien à voir, c'est une nouvelle race qu'il a inventée. Un père zèbre. Crève. J'ai 40 ans déjà, j'ai 41 ans à la fin du mois déjà, je vous le dis direct, voilà. Ah, c'était un prank. T'es taureau, c'est vrai. Non mais c'est bon, j'arrête la connivence des jeunes maintenant. Ça y est, ça t'a saoulé. Je vous emmerde. Retournez dans vos mini-cums là, c'est bon. Lui dit Michel Berger là, qui a 50, ça c'était 50 ans et on dit rien, putain. Mais il a pas dit ça, c'est toi en plus. Oui mais j'ai validé. Il a pas dit j'aime beaucoup Michel Berger, il l'a dit ou pas? Mais fais les gros mots. Vas-y. Saloperie de purée de pommes de terre. Il y a des hurlements. Alors si vous n'aimez pas les jeux de mots, si vous n'aimez pas les cris, alors vous êtes encore moins là à ce moment là. Vous êtes parti depuis très longtemps. Mais Michel Berger, c'est une de tes influences principales, je pense que avec Jessie Matador. J'ai découvert trop tard pour que ce soit une vraie influence. Mickey 3D. Non, par contre je pense que notre point commun, c'est que vu qu'on a vraiment grandi avec un accès à toute la musique possible et inimaginable. Tout à fait. Il y a vraiment un métissage de la musique qui se fait dans tous les sens, qui se fait collectif de plus en plus. Ouais, qui se fait de plus en plus. Et moi, dans mon cas, par exemple, c'était à la base de la musique très club et très électronique. J'écoutais à fond les compilations d'Headbanger, Headrec, et j'étais fou de ça, et je me disais, c'est vraiment le son du futur, je veux absolument faire ça. Et à la fois, j'écoutais à fond l'album Life in Cartoon Motion de Mika, tu vois, qui était une explosion pop, et j'adorais. Et, plein de couleurs. Et ouais, et à la fois, j'écoutais aussi Elton John, Bowie, enfin, c'est hyper varié. Ouais. Et du coup, bon, c'est ce mélange de tout ça qui a fait, petit à petit, je pense, mais comme pour tout le monde, je pense. Maxime. Alors moi, le Mika, ouais, je m'identifie pas. Refs, mais... ouais. C'était quoi la question? C'était avec tes influences. Ah, le métal. Oui, c'est vrai que toi, tu, oui, tu le dis. Ouais, le métal. Les gros mots aussi. Bigard. Non, moi, à la base, ouais, je suis vraiment un enfant du métal, plutôt de la nouvelle scène métal, donc c'est-à-dire le néo. Ouais, bien sûr. Gojira. Certains me taperaient dessus d'ailleurs. Linkin Park. Ouais, Goji, c'est pas mal. Linkin Imp, Deft. Les bêtes de Gojira, ouais. Incube. Non, et moi j'écoutais grave ça ado, donc c'était un peu bizarre parce que c'est vraiment les trucs qui étaient sortis à ma naissance. Et ma naissance. Oui, oui. Un de mes premiers CD, The Open Door. Les questions, on laisse les gens finir. Pardon, ouais, monsieur va. Et madame moi, naissance. On me dit que je suis vieux, j'ai le droit de. Hein, faire les pommes de terre. Ah, là, je te l'ai fait un peu. Tu peux plus demander. Caca. On avait un groupe qui s'appelait Fish, et gros big up d'ailleurs à ces gars-là. Où tu faisais du métal. À mes copines. Fish. Ouais, et on essayait de faire un truc un peu varié parce qu'au final, c'est plus trop ce qu'on écoutait tous. On écoutait vraiment chacun des trucs distincts et plutôt actuels. Et on essayait de faire du néo-pop métal. Enfin, bref, ça commençait à devenir très niche, mais en même temps pas tant, parce qu'on voulait initier les gens au métal grâce à ça. Mais bref, au final, on. Laisser les gens tranquilles après. Oui, bah écoute. Hein. C'est du prosélytisme. Et comment te. En même temps, le rap s'incline, le rock domine. Hein. C'est vrai, non, mais c'est vrai, il l'écrit sur sa trousse. Je l'ai écrit sur mon blog, ouais. Ouais, ouais. Et comment t'es ma trousse Ben, d'ailleurs. C'était une trousse Ben, avec une petite citation. Au Tipeee, bien sûr. Ouais, ouais. Et j'ai écrit Metal Powa. Oh non, c'est vrai? Ouais, ouais, avec le signe là. Ouais. T'as écrit corne et t'as mis le R à l'envers? Bien le K sûr. À l'envers. Ah, le O. Oh, il est malin, le zèbre. Et comment t'es arrivé au son que c'est tu fais possible. Aujourd'hui? Au son, bah, grâce aux gros mots. Hein. Non, mais en vrai, non, non, les non, influences, je ça vient d'où? Et vraiment, c'est bête à dire, mais de ce que j'écoute, j'écoutais pas mal de hip-hop, ouais. Mais plutôt de manière tardive, et j'aimais grave ces nouvelles influences, cette modernité, et j'ai grave voulu la mêler à ce dont je viens, et j'ai essayé de faire un peu un globi-boulga, un mélimélo, et je pense que c'est ça qui a donné ma musique, aidé de compositeurs, de producteurs avec qui je travaille depuis le fil des années, et en fait c'est vraiment des envies, à chaque fois moi je marche par envie, et j'ai pas envie de me limiter en fait. Et donc, ouais. Si j'ai envie de faire un truc un peu plus énervé, bah, je fais un truc un peu plus énervé. Mais d'ailleurs, la question était intéressante parce qu'elle disait pas forcément musicale. C'est vrai que tu peux être inspiré par d'autres choses que de la musique. Même c'est si vrai, tu fais... la vie, les amours, les emmerdes. Non, mais alors. Non, en fait, moi, comme je suis très mauvaise musicienne de base, c'est vraiment pas pour faire de la fausse, hein, ça va, je vous vois venir. C'est vraiment, je savais pas du tout. Bah, d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, les garçons, vous-même, vous savez, je n'avais rien touché à rien. Enfin, c'était la première fois que je chantais. Et du coup, je suis vraiment arrivée dans ce milieu-là en étant une espèce de gros bébé qui tape sur des trucs et qui dit « Oh, j'aime bien ça !» Et une voix de bébé bizarre, d'ailleurs. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis mis à faire de la musique de façon très instinctive. Je savais trouver les harmonies, j'avais un peu le sens du rythme et tout, et puis j'ai commencé à jouer de la guitare, pareil, très très mal, comme une sorte de singe en liberté. Mais du coup, féroce. Ça a donné des chansons un petit peu bizarrement foutues, mais au fur et à mesure, c'est devenu mon style de musique. T'as et vraiment après, ta patte, je trouve. Ma patte? Oui, tu as ta patte. Le singe, ah oui. Tu l'as trouvé facilement, je trouve. Bah merci. Ça va, c'était toi pas un compliment. C'était pas du tout un compliment. Tu fais quoi en ce moment? Non, mais je sais pas, en fait, vraiment. En fait, dans le premier album, il y a beaucoup de chansons que j'ai pas écrites, moi. Écrites, je sais pas. Qui peut me juger. Et dans le nouvel album, il y a beaucoup de chansons que j'ai composées et écrites. Et là, une des premières, c'est donc Bisous, qui est sortie il y a pas longtemps. Et ça, c'est vraiment une des premières chansons que j'ai fait comme ça, en me disant, faisons un truc. Je savais vraiment pas à quoi ça allait ressembler. Et en fait, ça a marché. Après, elle a été arrangée par Axel Concato, mon fidèle compère à moustache. Et ça donne un truc. Mais voilà, c'est des mélanges comme ça. Et il y a pas vraiment de. Il y a des gens qui me disent que ça leur fait penser à Jane Birkin. Moi, je vois pas trop le rapport, mais j'aime bien. Ah oui. Et puis sinon, ouais, je sais pas trop à quoi le rattacher comme style ou. Ouais, mais t'es pas. T'as des influences très anglo-saxonnes, je trouve, dans ta musique. Ah, très oui, pop. Oui, peut-être. Et moi, je te rejoins là-dessus. C'est ça que j'aime bien, c'est que j'aime tu bien quand amener... tu me rejoins souvent, tu dis ça. Et j'aime bien, j'ai l'impression qu'on va aller quelque part. À partir de 19h, nulle part. T'inquiète, Adrien, il ne l'écoute pas. Non, mais en vrai, par exemple, sur Bisous, tu amènes un truc en français. Tu chantes en français sur quelque chose qui n'est pas forcément français dans l'approche, tu vois, dans la manière de faire musicalement. D'ailleurs, on va se l'écouter tout de suite. Non, on n'a pas les droits. Parce qu'en ce moment, on en a besoin. On a besoin d'un peu de sourire en ce moment. Attendez, j'ai une phrase de jeune. Allez streamer ça à fond. Go streamer. Mais on aurait pu faire une performance tous les trois, enfin tous les quatre, pardon. On aurait pu préparer une performance. On fait un accord. C'est vrai. Est-ce qu'on peut faire un accord? Un accord. Vas-y, on fait une note et chacun on harmonise. Un accord Hôtel Arena. J'ai adoré. Nagui. Geste de Nagui. Ah oui. C'est Ardisson qui l'a inventé, je suis d'accord. J'étais pas née à ce moment. D'ailleurs, le terme blind test, il a déposé. Sérieux? Parce qu'il a inventé dans son... DJ Corti. DJ Corti, on s'en souvient. Philippe Corti, il est d'Avignon. Bien sûr, c'est d'Avignon. Tous les grands talents viennent de là. Mireille Mathieu, Philippe Corti, qui mixait avec sa tub, je le rappelle. Oui. Bah, je suis désolé. Mais encore, on en revient toujours mais à la suite. Je souffle, j'expire. Il mixait avec sa tub, c'est quand même un peu surprenant. Mais non, je ne pense pas, parce que ça doit faire mal. Je te jure qu'il faisait ça. Genre, il bougeait un peu tard avec sa bite, quoi. Genre un slider, il faisait hop là. Il faisait les... Un petit scratch. Ah, je scratchais avec, ouais, scratchais avec sa tête. Mais comme qui, moi, quand j'ai ma mycose, aimait ça. Ça me scratchait un peu. Lui, je crois. Mais attends, mais publiquement. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est de notoriété publique, quoi. Ouais. Okay. Ouais, attends, c'est une fake news. C'est peut-être une fake news. Tu vas encore faire un mea culpa l'an prochain. Faut pas pousser mémé dans les Cortex. Oh, oh oui. Peut-être le titre. Cortex, le rappeur Cortex. Il traînait vachement à Vision. Parce que Cortisone. Oh là là. Bien joué. Quand tu dis vous êtes rencontrés, parce que en fait tous les trois vous êtes rencontrés où? Bon, on peut raconter. Tinder. Les trois on en même était temps. En couple en fait. À la base. Après légalement on a eu quelques problèmes. Ouais. Bien sûr. On a décidé d'arrêter. Non mais alors c'est mignon quand même parce qu'on était quand même assez bébé. Hein. Oui. Moi j'avais 17 ans. Moi j'avais 16 ans, j'ai eu 17 ans là-bas. Moi je parlais comme ça à l'époque. Lui on voulait comme pas lui parler, mais il nous ouais. Collait. Non mais. T'as vu comment on laisse en suspense qui va lâcher, qui va lâcher, qui va lâcher. C'était à Marseille. Une émission télévisée. Et en fait, je sais pas trop qui a parlé à qui en premier parce que moi, je suis assez associable de base, donc ça devait en pas fait, être moi. En vrai, on s'est rencontrés c'est à un moment. Paris plutôt. Bah, on peut lâcher le mot. Du coup, on s'est rencontrés à la Nouvelle Star. Bien sûr. Ah oui, on l'avait pas déjà dit. En 2013. Et en fait, en 2014. On a. C'était la 2014, mais c'est en 2013. Je sais pas. On s'est retrouvés petit à petit à être de moins en moins nombreux et arrive un moment où on doit chanter une chanson à trois. Mais oui. Personne ne se connaît vu qu'on vient tous de se rencontrer là. Et en fait, on se choisit les trois. Oh. Ouais. Mais on s'était déjà parlé à Marseille quand ouais. Même. Je me souviens. Oui. Marseille. C'est Marseille, bébé. Marseille. Bien sûr. Zumba, café ou café carnaval oui, mais, ah oui, parce qu'avant ça, pour moi, on se connaissait un petit peu, mais en fait, pas du tout. Et bah, on s'est choisi parce qu'on s'est dit clairement, on a de l'avenir. On s'était déjà. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on s'était peu vu parce que. Oui. On se croisait comme ça dans les jours avant. En plus, moi, j'étais vraiment le gratteur du trio parce qu'à la base, vous vouliez un autre gars. J'ai fait ah bon moi ah oui. Ouais. Ah dans l'émission télé dans l'émission et télé autre gars c'est Adrien en plus oui. Désolé hein, mais il moi, était trop 18. Jeune pour j'avais participer 18. Il voulait pas moi j'avais vraiment 18 aussi et dans l'émission mais il fait passer pour le gros gratteur genre ah mais moi je veux faire ça avec vous et tout. Ah oui je me ah, est-ce que vous êtes passé dans l'émission oui. Bah vous oui. Avez vu bah non il y a s'il vous plaît c'était la télé existait non mais parce que Nouvelle Star il y a plein de castings donc vous auriez pu faire juste les castings non là c'est le moment du théâtre donc c'est un moment qui est vraiment pour ah, Julien et moi jusqu'au théâtre. Pour Julien et moi, 30 bah, dernier, mais elle est un peu plus loin. Pauline, Moi, j'ai fait la Zumba Café après. Hein, elle a fait Baltar. Non, mais c'est ça qui est triste dans notre histoire, c'est qu'on a fait donc ce trio, on s'est marré, on a répété le truc, on l'avait pas pris trop au sérieux. Non. Et vous aviez choisi quelle chanson, du tout. Faut savoir. Mais on n'avait pas vraiment le choix, pas. Mais c'était Vanessa Paradis. Est-ce que si on l'avait fait, on serait fait. Ah oui. Je pense pas que ce soit le titre. Dès que je te vois, je sais que c'est toi. Et du coup, on était trois, on avait fait une choré. Et tout qui est vraiment malaisant. Et je me souviens qu'avec Max à la fin on s'est dit en fait vraiment on avait Max il avait fait une note en mode Beyoncé. Moi en vrai j'étais en overdose et juste avant d'y aller on commence à se dire bon attends on faisait un peu de la merde en vrai. On se disait, ouais, bon, avec Max, je sais qu'on commençait à se dire, tiens, on en vrai, on commençait à être pas hyper serein avec le truc dont on choisit plus trop ce qu'on chante et tout. Ouais. Il y avait un peu. Très formaté. Tu commences à comprendre que t'es vraiment dans le truc aussi, que t'es plus vraiment là au moment des castings où tu peux. Enfin, t'es vraiment inclus dans le truc, donc ça peut faire un peu flipper. Et enfin moi personnellement à ce moment-là, je me suis dit attends, j'ai fait des centaines de concerts avant dans des caves et tout avec mes potes et tout, et je reconnais pas en fait ce que je vais faire là. Ouais. Et du coup, on a un peu saboté le truc, un peu saccagé. Hein. Ah ouais. On a ouais. un peu saccagé le morceau à la fin. C'était pas une très belle performance, mais moi honnêtement j'en avais rien à foutre non plus à ce moment-là. Oui, et en fait ce qui est pas drôle, c'est qu'après donc les deux zigotos ils se sont fait éliminer et moi j'ai chialé comme une merde. Ah ouais, parce que j'avais trop peur d'y aller, je voulais pas quoi, je connaissais personne. C'est trop mignon en plus parce que dans le montage je me rappelle que tu sortais, tu pleurais, on était en mode oh bichette, et nous de l'autre côté ils nous filment sortir avec, en faisant des galipettes dans le couloir. Vraiment on fait des galipettes dans le couloir. Mais moi j'ai pleuré à chaque étape. J'ai fini 3ème de l'émission et je pleurais vraiment à chaque étape. Ah oui, on est vraiment Putain, mais attendez, parce que moi j'étais déjà vieux. C'est donc, dans l'Instar, ça. C'était 2014. 2014, alors c'était qui? Donc il y avait plus Manicacce à cette époque. Non, il y avait il y avait plus Beethoven. Paix à son âme, il y avait Morane. Oui, Morane, d'accord. Il y avait André Manoukian comme depuis 1604. Oui, ça, on était déjà là. Sinclair, Olivier Bas. Sinclair et Olivier Bas. D'accord, ok. Ça, j'avais pas. Donc c'était sur C8. Qu'on embrasse Olivier Bas. Ouais. Oui, on embrasse, on lui fait un petit big up. Il y avait Cyril Hanouna aussi. C'est ça, qui faisait sa tête de. Une petite Darka, il faisait. Il était en. Il était en. Et là, ça va être compliqué ce soir. Ça va être compliqué. C'est ça. Mais ouais, non, du coup. Voilà. Tête de suspense. Mais au final, attends, de cette promo, il y a énormément de gens qui ont continué. Bah, il y a Ize. Oui. Ah oui, d'accord. Qui était deuxième. Et, Et qui d'autre, bah c'est tout. Je crois qu'il y en a d'autres, mais c'est Monsieur Froissart. Mais ce qui est drôle, c'est que, enfin c'est drôle, je sais pas, mais du coup musicalement vous êtes très éloigné de ce qu'on peut retrouver dans la nouvelle star. Non, ce qui est drôle surtout, c'est que autre chose après quand même. Ce qui est surtout drôle, c'est qu'on a été réunis là par hasard aujourd'hui. Oui, n'avais pas cette information. Oui, c'est ça. C'est ce que je savais pas que. Je savais que vous connaissiez, mais je ne savais pas que c'est. Et en plus, ça s'est fait en deux fois. C'est-à-dire que c'est, t'avais pensé à Maxence et Julien, et j'avais dit, eh mais on pourrait aussi. Ben moi, il m'a proposé, j'ai proposé Julien. Ensuite toi t'as proposé Pauline. Moi j'ai proposé Adrien. J'ai dit il grave était chaud, pas dispo pour se moquer de moi. Et non. Et pour le coup, par en plus, c'est marrant que on s'est quand même suivi et tout. Et par exemple avec Pauline, on est dans le même label. On est chez 5-7. Tout à fait, ouais. Magnifique. On est dans J'aimerais la même... que t'arrêtes de me copier par. Oui, c'est clair. Surtout sur le style vestimentaire. Surtout sur les t-shirts. On est dans la même maison de disques. Ah oui, et on est chez Wagram. Voilà. Et on a le même voir papa. Une maison de disque avec ma guitare sur le dos. Ah, je l'ai pas. Tu l'as pas. C'est un choc mental en fait. C'est Raphaël. Non. Je suis allé voir une maison. Gaëtan Roussel. Attendez. Ah, c'est Antoine. Guitare sur le dos. Mais oui. Nanana. C'est Antoine. Ah, je sais plus. Elle va te faire couper les cheveux, je connais. Non, c'était pas ça. Kinito. Ouf, oui, Kinito. Si, mais merci, je l'avais plus. Non, je l'avais plus, lui. S'il y a des auditeurs qui ont Kinito, je vous embrasse. Vegastar. Pauline, Canardo, le rappeur, le frère est-ce de que la tu, est-ce que tu comptes mettre sur Spotify tes reprises type ABBA? Je suis méga fan depuis le premier pyjama show. Merci d'exister. Ben, si t'as les thunes pour le faire, je veux bien. Non, oui. C'est faux. Je crois que j'en ai mis certaines sur YouTube. Mais en fait, c'est vraiment de piètre qualité. Du coup, j'ose pas les sortir de Instagram parce que tout ça est fait avec mon téléphone. Et dès que tu l'écoutes d'un peu trop proche, ça peut te détruire la membrane. Un petit truc sympa, le projet s'appelle Enregistrer au téléphone. J'aimerais beaucoup faire un album enregistré au téléphone. Let's go. Bah je lâche, je drop le mic. En fait, c'est les plateformes de streaming qui mettent un peu la pression. De qui? Tu sais quand tu fais un truc sur Instagram. Non mais quand tu, je veux dire à toi-même quand tu fais un truc que tu mets sur Instagram. Moi si je sais qu'après ça sort sur Spotify, je vais me mettre une pression de fou. Bah, en fait, ce qui serait cool, c'est de sortir des trucs chill sur Spotify. Mais c'est vrai que moi souvent les gens qui veulent écouter les reprises, je leur dis faites un YouTube to MP3 quoi. Oui. Allez-y. Non mais grave. C'est parce qu'en fait sur Insta t'as la notion que la personne l'a fait à l'arrache entre guillemets. À la cool. Alors que si sur Spotify ton truc aléatoire il tombe là-dessus, tu vas dire oh putain pas ouf la qualité. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le contexte autour. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette pression là. Je crois que c'est Deezer qui fait genre des albums de remix, enfin des playlists de remix ou de reprises. Vous avez participé? Toi Pauline, tu l'avais fait ou pas? Moi non, Deezer ils me boycottent en général. Tout ce qui me concerne moi, ils veulent pas trop. Moi j'ai participé à la compilation Souvenirs d'été de Deezer et j'ai fait un morceau des To Be Free qui s'appelle Partir un jour. Oui. Et on se l'écoute tout de suite. Sur Floodcast, bien sûr. Il y a un petit côté Emmerich de Skyrock. Emmerich de Sky, on va s'écouter de la Big Folie, bien sûr. Oh, pas mal. Emmerich, si tu passes par là, let's go. Let's go. Merci à la personne, j'ai oublié de dire. Elle a dit sympa. Merci d'exister. Merci à la personne. Tu ne l'as pas remercié. J'aime toujours autant ABBA. J'ai vu que tu avais chanté ABBA un jour. Ah oui, dans Fanzine. Ouais. J'adore ABBA. Merci beaucoup. C'est ah bah, ça fait ah bah cool. Oh, j'aime oui. parce que c'est vintage. Non mais tu vois, quelqu'un qui aimerait pas, il dirait Abba, tu vois. Mais moi, oh je suis abasourdi. Avec quel artiste aimeriez-vous produire ou avec quel artiste aimeriez-vous chanter? Est-ce qu'il y a un artiste que vous aimez avec moi qui j'ai assouvi mon envie il y a pas très longtemps. Ça paraît dégueulasse comme phrase. Mais je suis très très fan de Flavien Berger. Michel, et il m'a Michel. Contacté il y a pas très longtemps pour faire un projet trop avec bien. Un autre gars et trop cool. C'était trop cool et j'ai un peu halluciné de ce qui s'est passé. Du coup maintenant il faut que je trouve un autre objectif. Il a fait un salto arrière. Julien, ça sans élan. Moi comme ça sans réfléchir, je dirais Tyler the Creator parce que pour toute sa proposition musicale et tout, je trouve ça incroyable. J'aimerais trop me retrouver en studio juste pour regarder ce qu'il fait déjà parce que je trouve le process incroyable. Il y a des gens avec qui je rêve de collaborer et il y en a certains où ça est en train d'arriver, mais j'en dirai pas plus. Voilà. Ah, il n'a pas le droit de dire. J'ai positivité. Mime-le. Non, mais, non, mais vraiment, et ça, faudrait c'est, faire une quenelle pour ça c'est quand même un des plus gros kiffs du monde quand même. Alors, en vrai quand c'est les meilleurs moments, je trouve, quand d'un coup, il y a, tu vois, la vie qui te fait croiser comme ça les gens. Et que la personne est sympa. Exactement. Oui, des fois, c'est pas le cas et ça, c'est dramatique. Mais quand elle est sympa, c'est chambé. Et enfin, sinon, pour produire, moi, c'est un truc que je commence à faire là, de produire un peu pour d'autres personnes. J'avais jamais trop fait. Et voilà, il y a plein de gens. Et j'aime pas du tout. Finalement, et ça m'emmerde. Je suis toujours déçu. Ah, me fais chier. Ça rapporte moins d'argent. Voilà. Assez déçu. Toi, Maxence ? Tino Moreno, chanteur de Deftones. Bien sûr. Ou James Blake. Oh oui. James Blunt. Ouais, pourquoi pas. C'était mon chanteur préféré quand j'étais petit. Oh, trop mignon. Ah ouais, vous êtes trop dans l'Amérique. Attends, il faut que je dise un Américain aussi. Mais non. Non, pas forcément. En francophone, Stromae serait vraiment chouette. Bah oui. Un truc comme ça. J'ai plein de noms. En vrai, j'ai plein de noms. Et surtout, en France, on a une scène électronique incroyable. Donc il y a tellement niveau production pour le coup en France. Tu penses à qui? J'aurais adoré produire des choses en studio avec Philippe Zdar, par exemple, on en parlait bien tout sûr, à l'heure. Bien sûr. Parce que du coup, il y a un savoir de production, de mix qui doit être incroyable. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré. Sinon, mais toute la vague de la French Touch, là, il s'est passé des trucs Adrien tellement Méniel, fous. Ouais, Adrien Méniel, exactement. Qui vient de se séparer de son binôme, là. Oui, musical, il a mis une vidéo, il explosait dans le désert. J'ai pas trop compris. Est-ce que mais tu peux nous expliquer? Mais je pense que c'est un fake, c'est un coup commercial. Ouais, vous allez refaire quelque chose, Adrien. Vous faites le Super Bowl, je crois. Il y aura des projets solo. D'ailleurs, non, mais Adrien tout seul. Blague à part. Vous tapez Daft Punk sans masque sur Google Images, on voit la gueule des deux gars. Ah ouais. Je te jure. C'est ouf. Tu tapes, on les voit genre mixés dans une vieille soirée à l'ancienne. C'est chambé, gars. Ouais, ouais. C'est on peut. Ouais, ouais, ouais. Daft Punk, alors Daft. Sans masque. Daft Punk sans masque sur Google sans Images. Mais attends, c'est sur le Dark Web, je crois. Non, Mike, même pas, justement. Man, tu déconnes, man. Mais man. On peut les voir sans masque, gros. Mais man. Jure. Non, mais je te jure, il l'a sur un disque dur, il te le montrera. Je te jure. Man. Je déteste les hommes. Beaucoup, elle a de, titres, attendu beaucoup deux de titres potentiels. Elle a attendu bon deux heures. Titre, bon. Bon titre aussi. Question un peu pour tout le monde aussi. Vous avez tous un peu des albums en préparation. Est-ce qu'ils ont été préparés en partie pendant le confinement? Et si oui, quel a été l'impact du confinement sur la création? Pauline, vous avez très posé la switch. Bah, franchement, il y a eu Animal tellement Crossing. De temps que moi, j'ai vraiment fait la moitié de mon album en confinement. Et j'avoue que j'ai pas mal vécu le côté il faut produire parce que t'es en confinement, parce que moi j'adore produire et travailler. Si je pouvais faire ça tout le temps, je le ferais. Et donc du coup, confinement, c'est vraiment le truc de genre tu vas pouvoir travailler sans interruption, t'as même plus à t'habiller quoi. Et donc j'ai adoré et j'ai fait plein de enfin j'ai beaucoup plus expérimenté. J'étais moins dans le genre il faut que je fasse une chanson par jour, mais plus dans le je vais appuyer sur une touche pendant une demi-heure et voir ce que ça fait. Après ça, c'est une santé mentale défaillante. Oui, il y a eu un petit impact quand même. Il y a eu un petit souci quand même. Mais entre 2-3 crises de larmes, il y a eu 2-3 tubes aussi. Voilà, c'est ça. Et même, est-ce que dans l'écriture des paroles et tout, ça a eu un impact? Ouais, totalement. Vous avez placé des allusions au Covid dans vos paroles? Non, pas du tout. Je n'espère pas. Non, c'est terrible ça. Professeur Raoult. Juste avant de te répondre, je vais dire Kaolin. Bien sûr, et je prends. Ah, oh, j'adore. Plagiat, en vrai, j'aime gros beaucoup. Plagiat. Moi, je l'embrasse. Bah, nanana. Bah, c'est I Want You, Bob Dylan, quoi. Ah oui. Ah, oh là là, ça dénonce. Mais ils se sont fait gauler, je crois. Ah, comme ouais. Calogero, d'ailleurs. Oh, eh ouais. Elle n'a peur de rien. Quoi, de quoi Calogero? Bah, il s'est fait engueuler aussi pour plagiat. Ah ouais, pour. Mais est-ce qu'on plagie pas tous un petit peu tout a été inventé. Tout a été fait. Est-ce que tout n'a pas déjà été fait depuis Jean-Sébastien Bach? On peut rire de tout. Ça, je suis moins sûr. Bon. Maxence. Bon, plus sérieusement. Alors, Ruby des Kaiser Chiefs. Et aussi, bien sûr. Okay. Ou bah, Sting the Reason. Bref. J'adore cette chanson. Moi aussi, Snow Patrol, Chasing Car. C'était quoi la question? Non, c'est bon. Oui, non, moi, alors là, moi, ça m'a aidé. C'est que vu que premier confinement, c'était très angoissant, on est d'accord. On savait pas ce qui se passait. Enfin, abuseur. Non, mais arrête. Petite nature. Catastrophique. J'ai fait des énormes crises d'angoisse. Il a chopé le Covid, moi aussi. C'est juste pour ça que j'en Mais moi, j'ai adoré le premier confinement. Tes stories. Avec le gamin avec sa casserole, mais oh là là, bref. C'est pas un gamin, hein, je crois que c'est un adulte. Ah oui, c'est un adulte. C'est le meilleur souvenir de 2020. Ah ouais, tu l'as pas mis en story. Tu l'as pas mis en horrible année, vraiment. T'as pas mis en story à la une? Non, mais parce que j'ai pas. Oh là là, une erreur. Sale erreur. Bref, peu importe. Vous avez loupé un gros truc. Et moi, bizarrement, cette situation anxiogène m'a fait écrire des trucs ultra positifs. Pareil. Et c'était la première fois de ma vie que j'écrivais des chansons non déprimantes. Ouais. C'est ça, c'est un peu ça. Concrètement, c'est à cette période-là où aussi j'ai commencé à travailler avec les producteurs avec lesquels j'ai fait beaucoup de morceaux. On est en France, par contre. Si non, parce que si je dis producteur, ça perd un peu le sens. Parce producteur que... de tomates, c'est ça, t'as peur. Non, mais tu prends les gens pour des petits idiots. Producteurs. J'ai travaillé avec un petit producteur local. Producteurs, et c'est vrai qu'on eux-mêmes. C'est les gens qui connaissent pas la zic. Mais oui, non, mais producteur, ça peut tout et rien dire. Producteur, on comprend qu'ils produisent de la musique, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou alors c'est parce que tu travailles avec des femmes, du coup c'était producteur. Oh! Et des produits frérots et des produits furettes. Ça rend trop bien. Un peu sorcière, je trouve. J'ai vu sorcière dans la bibliothèque. Oui. Ah mais oui. Bah, oui. D'ailleurs, on a à côté de sauge, hein. On peut plus rien dire de Éric Zemmour. Il prend toute la place, 300 pages. C'est faux. Il y a pas de c'est faux. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je suis allée chez quelqu'un. Après, j'arrête de te couper. Non, et il y avait plusieurs livres d'Éric Zemmour et je savais pas s'il fallait que je parte. Après, t'es allée chez Éric Zemmour. C'était ton erreur aussi d'aller chez lui. Il y avait aussi son portrait en 4x3. Non, mais c'est vrai. Tu sais pas comment te comporter. Tu dis est-ce que je parle de ce que je viens de voir ou est-ce que je l'efface? Du coup, j'ai juste pris en photo pour mes amis. Un selfie avec un pouce en l'air. Viol d'intimité. Alors pardon. Non, écoute, bah j'ai fini avec mes producteurs. Non, mais bah, t'as fait des c'est pile la période joyeuse. Où eux-mêmes étaient eux-mêmes hyper inspirés, ont fait des trucs, ils m'ont proposé, je fais super, j'ai essayé des trucs parce que bah, j'avais l'occasion, j'étais devant un ordi, j'avais rien d'autre à foutre. Ouais, ils ont dit de toute façon, moi mon métier c'est d'être enfermé, donc ça me change pas. Ouais, ouais, ouais. Tous les gens qui font de la vie ont dit ça. Non, en plus non, ils étaient en plein air. C'était la blague mainstream de producteur, ça. Non mais lui, il y a pas les gros mots, vas-y. Tête d'autruche. T'es content? Fais un 2. Gros caca. J'ai fait un 2. Fais un 3. Non, jamais de la maintenant. Vie. Maintenant. Julien, toi, du coup? Moi, le premier confinement, j'étais confiné déjà au 38 rue. Appartement 356. C'est ma première adresse. Je pense qu'il vient de le chercher. Tu viens de le chercher là parce qu'il est sur son téléphone. Oui, il nous écoutait pas. C'était je qu'est-ce te laisse que j'ai mettre dit. Les bips sur les numéros. Et alors, les numéros. C'était ma première qu'est-ce adresse. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Aucun qu'est-ce sur moi par contre. Déjà, pourquoi vous avez gardé vos téléphones comme ça à la table? C'est moi. C'est juste pour avoir des infos et le déstabiliser. Et vous écrivez des textos, vous faites des trucs, vous regardez des photos. Ça, c'est que moi en fait. Chill-toi un peu. Vous pouvez pas vous passer de vos écrans, merde. Moi je regarde juste le compte rendu de mon enquête afin de déstabiliser Flo. Non, je suis pas déstabilisé. Est-ce que tu es monsieur Burns dans les Simpsons? Dès que j'affectionne une personne, j'éprouve le désir de lui faire des chocs mentaux. Il t'a pris le pire pour moi du coup. Aucun pour Adrien. Non, tu détestes Adrien. Si quelqu'un, je lui fais un match. Mais surtout, c'est le pire public, il réagit mais pas oui, du tout. Oui, mais j'adore. Je regarde juste son petit regard au moment où il fait. Il fait même pas exprès. Tu vois, il dit même pas bon, allez, je vais lui faire plaisir, je vais surréagir. Non, oui. Non. J'adore. Même pas là-dedans. Là, c'était mon premier appartement, effectivement, en Seine-et-Marne. Alors, j'étais pas du tout confiné là-bas. Non, en vrai, la première fois, j'ai eu peur parce que je me disais, ah, je vis plus rien, j'ai l'impression de plus ressentir un peu des choses fortes. Je sortais d'un an et demi de tournée, j'en pouvais plus, j'avais envie de. De vivre, de crier, de faire la fête et tout. Ouais et du coup, j'avais un truc où je me disais, mince, j'ai l'impression de plus rien vivre, donc ça me bloquait un peu, niveau des sensations, des émotions. Et au final, je me suis mis un peu à me forcer à me rebrancher droguer. Le clavier. J'ai commencé la drogue. Me scarifier. Et finalement, c'est là qu'a commencé le. Enfin, j'ai le premier EP qui est sorti au milieu de tout ça, donc j'ai fait des promos sur Zoom. Ouais. Voilà, exactement. C'était même ta pochette. Est-ce ta qu'on pochette, peut la pochette, des c'est ma copine. Ouais. Oh là là. Oh là là, c'est une... Ils vont apprendre à gérer le malaise, mais à des niveaux c'est clair. Horribles. Non, mais ouais, même la pochette de l'EP, c'est ma copine qui a pris la photo dans l'appartement avec un grand box. Et allez, tout le monde a une copie, non, tout le monde l'a placée. Avec un appareil photo. Avec un appareil photo. Non, mais sinon, là, j'ai la chance d'avoir un petit studio, donc je passe ma vie, mes jours, mes nuits à faire des maquettes. Il est très beau d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup. Moi, je jalouse à chaque fois. Et du coup, je passe vraiment ma vie là-bas, donc je commence à avoir des montagnes de fichiers qui vont donner un album c'est à un moment. C'est pas possible, techniquement. Techniquement, ça n'existe pas, mais voilà. Sauf si tu les mets en montage. Et pareil, moi j'ai le besoin que ce soit une explosion de lumière et de couleurs et de joie. Licorne. Non, mais pour le coup, ça va, c'est vraiment une explosion. Est-ce que tu pètes arc-en-ciel? Est-ce que tu fais des caca papillons? T'es une licorne ou un pingouin jambiste? Pardon. Oh, les groupes Facebook de 2006 à peu près. Un ornithorynque. Tout quitter pour élever des lamas au Pérou. Ça, c'est un peu revenu à la mode chez les bobos au final. C'est vrai. Oui. Bah je peux pas, pas japonais de toute façon. Vous êtes des jugeurs. J'ai aquaponais. C'est un peu plus drôle de rajouter le aqua. Ouais. C'est désolé. Imagine. Ce n'est pas du mépris pour les gens qui font ces blagues. C'est désolé. Du polo, méprisez, vous méprisez les gens. Oui. Non, mais on est d'une condescendance. Il faut être honnête parfois. Faut être vous méprisez. C'est juste que c'est des blagues un peu faciles. Non, mais toi aussi, Flaubert, en privé. On passe à la dernière. Donc ne fais pas genre. Bah, moi, si je fais genre, j'essaie d'avoir une image meilleure que ce que je suis dans la vraie vie. Bah oui. On passe à la dernière partie. Non, à de rien. Les recommandations culturelles. Alors, est-ce que vous. Qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que tu as dit? Il agresse directement son. Octogone ou quoi? Il s'agit du flot de cast. Recommandations culturelles, alors partagez avec le public quelque chose que vous avez aimé culturellement, que ce soit théâtre, cinéma, musique, web, bouquin, machin. Pauline, est-ce que tu as une idée? Je t'avais pas prévenu, donc je suis une merde. Ah, tu n'as pas prévenu que non, c'est pas grave, parce que je suis rempli de culture, mais allez-y. C'est pas pour ça que t'es une merde, Adrien, vas-y. Adrien, t'as toujours vu une chose. Bah là, pas trop, mais non, mais je vais parler du jeu auquel je jouais ce matin. Il y a un jeu. Super. Pac-Man. Ouais, vas-y. Il s'en fout. Allez, il a lâché l'affaire. T'as pas eu. Ça t'en fait peut-être des gros mots, ce que je viens de dire. Il a un accent maintenant. Il l'avait à l'époque. Putain, de con, ta chanson là. Bah, moi, ça prouve qu'il y a une rupture, je ne fais plus tout ça. Con de salaud. Allez, Adrien. Si vous voyez cet échange de regards, les hyènes. On dirait un podcast des hyènes. Il m'a attaqué. Il m'a attaqué. Parle-toi en doodle jam de merde là, vas-y. Adrien Ménienne. Ouais, j'ai joué à Among Us ce matin. Ouais. Allez, ton jeu, Adrien. Ton jeu. Ça m'intéresse vas-y, parce que comme mais... je joue non, jamais au jeu. Non, mais j'aimerais savoir. Ça que moi. Mais c'est, ça, et ça le s'appelle. Public, et le public, allez. Ça s'appelle. Oh, la bouteille qui tombe. Ça s'appelle Animal Revolt Battle Simulator. C'est long. Très long. Et en fait, le principe. Alors moi, j'ai pas joué au mode campagne, j'ai joué qu'au mode sandbox. Oui, il m'a perdu là déjà. Bon, ça va, putain de merde. Et non, en gros, le principe, c'est de. Vous savez, des fois, on se dit, qui est-ce qui gagnerait entre tel animal et tel animal? Jamais. Jamais. C'est vraiment ça le jeu. C'est vraiment ça. En gros, c'est tu crées des équipes. C'est bien, ouais. Et tu les fais s'affronter. Il y avait ça sur ordi. C'est une adaptation, peut-être. Bah, c'est sur ordi. Attends, du coup, c'est des animaux qui se butent entre eux. C'est des animaux, mais il y a aussi des humains. Ça va toi en ce moment? Ça va très très bien. Il n'y a, pas, genre, y a pas genre des poulets, des dinosaures, des trucs. Malheureusement, il n'y a pas de poulets, mais il y a des dinosaures. Il y a des animaux fictifs, genre des dragons, des trucs comme ça. Il y a des humains. Tu peux la photo de qui tu veux. Non, malheureusement, non. Mais tu peux pimper les animaux, c'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir un cochon sauvage, mais comme il est un peu en difficulté, tu lui rajoutes deux bras sur les côtés et il met des coups de poing. C'est voilà, en premier génial. Degré, premier c'est degré. Est-ce que c'est sanglant? Tu peux désactiver le sang si tu veux. C'est vraiment le jeu d'enfant. Tu sais, juste mais tu oui, regardes, mais c'est génial. Tu dis, oh, imagine, je faisais ça. Oui, faisais, bah, c'est un peu pour ça que GTA, ça a marché, j'ai l'impression. C'est qu'on rêvait tous d'avoir un endroit où on peut tout faire dans la rue comme ça sans on a tous rêvé d'avoir une adaptation de notre ville dans GTA. Oui, bien sûr. Incroyable. Après, en tant qu'homme blanc cisgenre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la rue, en fait. Allô, les gars. C'est un mème. Je vous annonce. Donc ça s'appelle comment? Animal Revolt Crossing. Battle Simulator. Et ça fait pas cracher l'ordi? Je crois que j'ai vu des mecs justement qui essayaient de. Ah si t'en mets beaucoup sans doute. Ouais. Mais voilà. Moi j'y joue sur Twitch. Quel enfoiré. Je peux faire une annonce? Bien sûr. Peut-être je trouve un truc moins ridicule. Moi, vraiment, ça m'a pas trop intéressé ce que t'as J'imagine, dit. Ouais. Mais par contre, j'ai trouvé que ta voix était très agréable à l'oreille. Oh. Comme les voix de France Inter, un petit peu. C'est vrai. Et mais bon, c'est pas le cas de tout le monde autour de la table, je dirais pas de nom. Donc ça veut dire que c'est une spécificité. C'est moi. J'essaye d'être sympa, tu vois. Ouais, mais hélas, t'aurais pu être encore plus sympa en ne disant pas trop négatif avant le compliment, mais ça, c'est pas, déjà, ce serait c'est déjà être, n'être pas moi. Mais c'est, bah écoute, je prends ce qu'on me donne. Donc merci. Julien. Moi, ma recommandation, ce serait C'est de la zik. Ouais. C'est Headbanger. C'est un petit indé. Ce serait Headbanger. Non. C'est une reprise. Un bassiste qui s'appelle Mono Neon, qui a un compte Instagram qui s'appelle Mono Neon. Trop bizarre. Et en fait, trop bizarre. Il fait, en fait, là en ce moment, il lâche des albums toutes les semaines. Je sais pas trop comment il fait, enfin, toutes les 2-3 semaines, quoi. Il lâche un peu des titres tout le temps. C'est le même album, des... par contre, toutes les semaines. C'est super il relou. S'appelle Jules. C'est pas le sien. Et en fait, il fait des morceaux complètement barrés où il y a une liberté de fou. En vrai, c'est trop beau. Un peu what the fuck. Il y a des albums avec des chœurs de gospel et tout. C'est de la putain de bonne musique. C'est trop beau. Et aussi, en fait, sur Instagram, il fait des vidéos où il joue par-dessus des discours ou des vidéos un peu buzz qu'il a aimé. Ah, ça, c'est génial. Il y a quelqu'un qui s'énerve ou quoi. Et lui, il retrouve c'est les génial. Notes en direct. Mais il l'a pas comme fait sur Bigard. Chassol, il alors, fait ça aussi. Ouais, c'est un peu avec le principe de Chassol, exactement. C'est pas lui qui a fait ça sur Bigard. Alors, non, parce que lui, il est américain. Je pense pas qu'il connaisse Bigard. Imagine. Bigard, il est à l'international. Oui, c'est vrai. Je te rappelle qu'il a bourré Bercy. Oh non, désolé. Et du coup, sur Instagram, c'est rigolo. Des fois, il le fait avec sa grand-mère. Et tout. D'accord. Et il est complètement barré, j'aime trop. Voilà, il s'appelle Mono Neon. Et sinon, le film Brise de Nice 1. Voilà. Bon film. Le 1. Et il a des gros pieds là. Oui. Maxence Alors, moi, c'est toi qui m'as fait découvrir, donc t'en as déjà parlé. C'est les... Vous êtes potes, non parce qu'on l'avait pas Non, mais parce avant. Que t'en as parlé en plus dans les floodcasts. Bah, je t'en sens. Moi, c'est toute l'œuvre de Fabrice Caro. Ah oui, je suis tombé mais là-dedans, mais pareil, à 100%. C'est-à-dire que moi, qui ne suis pas un gros lecteur, j'ai lu, dévoré les livres en d'une traite. Moi qui suis allergique au lactose. et les BD, pareil, je me les suis prises. Je me les suis prises dans le là sens où je me les prends. Je les ai volés au magasin, quoi. Non, mais vraiment. Les BD, oui, et les BD et les romans qui sont très différents, ouais. En vérité, mais ouais, on ouais. Retrouve quand même un petit carrément. Peu. Carrément, et j'ai hâte de voir le film. C'est je ne sais pas quand il sort. Le film a daté du discours. Bah, on de, attend le discours. Ouais. Le réouverture ouais, de voilà. Salle. Donc, hélas. Du coup, j'ai ce fameux truc de pour la première fois de ma vie, je lis un livre avant de voir le film. Ah non, j'ai vu ça avec Arthur les Minimoys. La voix chevrotte. Ouais. Et toi, mon cher Flaubert. Le discours, je précise aussi qu'il va être joué au théâtre quand les théâtres ouvriront par Simon Astier. Simon Astier, oui. Simon Astier, seul en scène. Et je pense que ça va être sublime parce que c'est un texte qui va très bien à Simon. Et j'ai trop hâte de le voir. J'ai hâte de voir ça. Voilà. Et sinon, une petite application, j'en parle partout autour de moi. Moi qui suis très. Non, mais moi qui adore retrouver des vieilles photos et trucs vintage et tout, il y a une application qui s'appelle Rémini qui est bluffante. Ah oui, pour les doubles. Ça les permet doubles. De rendre net des vieilles photos. Ah oui, Rémini, je comprends que c'est vrai. Ça te permet de rendre net des c'est visages. Assez et c'est assez fou, il y a un espèce d'algorithme. Des fois, on dirait un peu de la 3D, c'est un peu creepy, mais oui. C'est fantastique. Même les cheveux, il arrive. C'est dingue, je vous montrerai bien sûr en vrai. Fin, ouais, bien sûr. Mais j'encourage les gens à télécharger ça, c'est Rémini, c'est incroyable. Magnifique. Je vous jure, vous devez essayer. Si vous avez des vieilles photos argentiques et vous essayez de les rendre un peu au goût du jour et de les numériser. Ou même, si, parce que moi par exemple, ma PP, c'est un screenshot d'une vidéo. Oui, c'est voilà, toujours un peu c'est ça. Flou, ouais, et ouais. Tu passes dans Rémini. Exactement. Ça te, même pour les mèmes. Ça les rend un peu en HD quoi, quand s'il y a un visage ouais. Sur le truc et tout, c'est incroyable. Bah, c'est vrai que ça fonctionne hyper bien. Des fois, il y a un peu un côté Uncanny Valley. Oui. Alors, est-ce qu'on perd pas l'âme de la photo, les gars? Ouais, grave. Les imperfections, c'est ça qui fait une œuvre. En fait. Il est le même que moi. Oh, Léo Rispal avec Gary Fico. Gary Fico, bien sûr. Gary Fico. Clip réalisé par Steve McCurry. Non, Ludoc. Ah mais ouais. Non. Bien sûr, Ludoc de YouTube. Voilà, mais non. Ludoc, c'est une abréviation de parents aussi, par exemple. Oui. Ça Ludovic. Marche. De Languedoc-Roussillon. Ah, oui. Bah, Pauline. Bah, j'ai retrouvé en fait parce que on m'avait pas prévenu. Apparemment, on voulait saboter mon ça arrivée. Ouais. Mais je précise qu'elle a supprimé Insta entre le moment où elle devait oui. Me dire qu'elle venait. C'est-à-dire qu'on a invité, Enfin, Adrien a envoyé un message à Pauline pour dire on t'invite. Quand est-ce que tu seras dispo? Et entre temps, avant d'avoir la réponse, elle a supprimé non, le seul moyen de communication c'est qu'on avait avec elle. J'ai dit vendredi. Non. C'est pour ça qu'on a déplacé nos rendez-vous. Il y a un truc super qui s'appelle les screenshots, donc à la limite, oui, on peut montrer. On va les publier j'ai publiquement. J'ai dit screenshot où tu m'as dit jeudi peut-être, vendredi sûr. Et non, tu m'as dit je te dis demain. si c'est ok pour jeudi. Ça me fait peur. Ensuite... comment tu t'en souviens bien. J'ai peur. Et ensuite. Donc ma recommandation culturelle. Un jour après, elle fait... dit ok, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai oui, dit, bah, j'ai des problèmes avec les humains. Et oui. Qu'est-ce non, que mais tu ça veux va, tu m'as piétiné pendant toute l'émission. Avec mes gros souliers. Ça te rappelle c'est un vêtement. Hein. Quoi? Mais j'ai des problèmes. Je suis toujours super méchante avec les hommes alors que je les aime bien. Je sais pas comment régler ça. J'ai arrêté si d'aller voir la psy et il faut que j'y retourne. Mais non. Non, mais ça va. Hein. Tu peux j'ai un profond désir de les détruire, mais en même temps, je les aime profondément. Quoi. Bah, ça je suis me touche. Complètement hétérosexuelle et ça me pose beaucoup de problèmes dans la vie. Bref. Ta recommandation culturelle. Les hommes. Non, alors surtout pas. Non, alors justement, je savais pas quoi dire, mais ce matin, j'ai découvert une femme, enfin, je l'ai découvert il y a une semaine, mais elle s'appelle The Space Lady, et elle fait des espèces d'albums absolument incroyables, et ce matin, j'ai vu un live sur YouTube où elle a un casque d'Astérix avec des ailes, elle est trop chelou, et vraiment, je me suis dit, s'il y a bien une femme que je veux devenir, c'est elle. Et Marion Maréchal. Non, oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là. Un petit peu elle a aussi un casque d'Astérix sur la. Non mais. En fait, tu vois, pour les mêmes raisons. Et un strabisme. Mais vraiment, c'est. Je pense que tu peux diguer pas mal de trucs. J'ai vu qu'elle avait fait des reprises, genre des Beatles et tout. Et c'est vraiment de la musique que tu peux écouter en boucle. Alors que moi, ça m'énerve assez rapidement les choses. Je suis énervée. Et en fait, j'adore les tables en bois. Elle est très belle d'ailleurs. J'ai un délire avec les tables en bois. J'ai payé 10 balles sur le Bon Coin. C'est vrai, 10 balles. Moi, je suis très. Franchement, bon aussi en ce moment, moi aussi. Pour ceux qui n'ont aucune notion des prix, c'est pas cher. Ouais. Jean-François Copé. Ça nous étonne en toi, bref, voilà, The Space Lady, voilà, un truc de boomer. Génial. Et elle fait que des reprises ou elle fait aussi des morceaux originaux? Non, des je crois qu'elle a. Et elle a un qui s'appelle. Elle a un. Moi, je parle plus, en fait. Elle a musique qui s'appelle Synthesize Me. Et elle répète un peu tout le temps la même chose et tout. Et enfin, je sais pas, moi en ce moment je mets ça en fond. Et j'écoute aussi beaucoup un mec qui s'appelle Juan Wouters, W-A-U-T-E-R-S, Zèbre. Et tous ses albums ils sont super aussi. C'est un peu en espagnol et en anglais, et complètement frappadingue, farfelu, dirait Adrien. Et il a fait un feat avec Mac DeMarco il y a pas longtemps qui est super cool. Magnifique. Et voilà. Tu nous enverras le lien. Mac DeMarco il fait plein de feats trop cool en ce moment. Il a aussi fait un morceau avec Benny Sings qui s'appelle Rolled Up. Le morceau est magnifique. Rolled Up. Ouais. Okay. Benny Sings et Mac DeMarco. Et il a fait un feat avec Madame Camiade. Allez, j'en ai fait un. J'en ai fait un. Ouais, mais alors à ce stade, en fait, c'est sa prof de techno, c'est Non, c'est ma prof de français. Même moi, je l'avais. Mais moi, je me souviens pas des noms de mes profs. Attends, là, du coup, maintenant, même moi, je l'avais pas. Mais non, t'es pas. D'où t'en as un qu'on lui a jamais sorti? L'activité qu'il y a eu là. Ah ouais, tu vois, j'ai mis mon temps, je l'ai gardé, je l'ai nourri en moi. Ben moi, ma recommandation culturelle. Oui, on allait te demander. J'en aurai un autre après. Bah vas-y. Alors, je le dis maintenant. C'est un mec qui s'appelle Joel Haver sur YouTube. Joel comme Joel le prénom et Haver H-A-V-E-R. Bah comme Haver, le nom de famille. Voilà, hein. Haver. C'est ce qu'il allait dire ça. Le nom de famille. non, c'est un mec. Alors je crois qu'il fait des vidéos, mais j'ai pas trop regardé ses vidéos. Ah super. Mais, non mais vidéos filmées quoi. YouTube. Crête l'anime. Vous allez vous battre avant la fin de cette émission. Moi je trouve que c'est trop la chose. Vidéos filmées en fait. Il fait des surtout des. Et dis donc, on est chez EDF, l'ambiance est électrique. Oh. Joli. Et non, il fait des animations, mais c'est un truc. En fait, il se filme avec des gens en train. Enfin, c'est vraiment du jeu réel, etc. Et ensuite, ça passe par une. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais rentrer dans les détails. C'est un logiciel qui s'appelle EB Synth. Et en fait, c'est un truc d'intelligence artificielle qui, en gros, tu prends une vidéo, tu redessines une des frames où tu peins par-dessus, enfin, tu la modifies. Et ensuite, le truc modifie toutes les frames de la vidéo. C'est bon, je l'ai. De ce incroyable. Que t'as fait. Oui, oui, donc, oui. Si par exemple, tu traces les contours d'une frame de la vidéo et tu la transformes en dessin, ça te génère un dessin animé à partir de ta vidéo. Comme et le donc, clip de Take On Me de Aha. Un peu, sauf que tu faisais chier à tout dessiner frame par frame. Et là, il y a une intelligence artificielle qui le fait avec plus ou moins de succès à ta place. Et du coup, lui, il fait des animations comme ça. Et c'est assez marrant, c'est un peu à moitié improvisé et tout. Et j'ai découvert ça, c'est Copain du Web qui m'a fait découvrir, donc je le salue. Et c'est assez drôle, il y a plein de petites animes marrantes. Et surtout, c'est assez intriguant, enfin, c'est un peu du jamais vu comme. Enfin, c'est du rotoscoping par intelligence artificielle. Tout simplement. J'ai vu Wally une fois. Ouais, bah, c'est ça. Bah, t'es le public, ah, c'est la cible. J'ai Gmail, moi. Bah, je te l'envoie sur ta boîte. Et autre petite reco aussi, si vous aimez la mode et si vous aimez un peu le mélange de mode, de hip-hop et tout de plein d'explosions de créativité, il y a un gars qui s'appelle Kid Super. Ouais. Ah oui. C'est un gars qui qui vit à Brooklyn et qui en fait a un espèce de building dans lequel il fait venir plein d'artistes, soit des potes à lui, soit des mecs qui Enrico Macias. Et en fait en bas ils ont un studio, ils font à la fois de la musique, de la mode et tout. Et en fait il fait des défilés où il, par exemple le premier défilé qu'il a fait là pour la, où il était dans le calendrier officiel de la Fashion Week de Paris, il a fait un défilé en marionnette en stop motion. Oh. Donc il a fait une collection qui n'existait pas, qui était vraiment juste une collection miniature. Et c'était la première fois qu'il était dans le calendrier officiel, donc c'est hyper ouf en vrai de lâcher ça comme ça. Ouais. Et bref, c'est un mec qui est ultra inspirant sur YouTube. Il explique vachement comment il a construit un peu tout sa petite Warhol Factory 2.0. C'est Jeff Panaclop, quoi. Et... je cherche son nom depuis 10 minutes, je cherche son nom, je le trouve pas. Ça fait 10 minutes que je cherche son nom, je suis là, dis la blague, dis-la. Et non. C'est comme ça qu'on rate sa vie. Voilà, c'est vraiment, il faut le suivre sur Instagram, il est hyper drôle et hyper inspirant et voilà, je l'adore. Très bien. Je l'embrasse. Eh bien, quant à moi, on a appris il n'y a pas si longtemps le décès de Bertrand Tavernier et j'avais déjà conseillé, conseillé il n'y a pas si longtemps une discussion qu'il avait eue avec deux autres réalisateurs, à savoir Bertrand Blier et Patrice Lecomte. Et du coup, vu qu'il est décédé, je vous conseille trois films qu'il a fait qui sont vachement bien. Coup de torchon avec Philippe Noiret, sorti en 81. C'est le bruit, voilà. Du film, c'est le bruit. Non, ça, c'est un film qui est mal en plus. Non, mais c'est un film qui est vraiment chouette, qui se passe au Sénégal, au temps des colonies africaines, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air et en chouette. Fait, non, mais c'est un vrai beau film. En fait, c'est l'histoire d'un petit gendarme qui est joué par Noiret, qui se fait marcher dessus par tout le monde, et au bout d'un moment, il en a marre, voilà, tout simplement. Et dedans, il y a Isabelle Huppert, qui est incroyable, il y a Stéphane Audran, il y a Guy Marchand, il y a Jean-Pierre Mariel. Et c'est adapté de. Alors, c'est pas très feel good, hein, je dis que c'est chouette, mais ça veut pas dire que c'est un Disney. C'est un mec qui se fait marcher dessus pendant 1h30. Ouais, non, mais c'est ça. Il doit être gémeaux. C'est moi pendant le. Non, mais c'est adapté d'un bouquin du même auteur que Série Noire avec Patrick Devers. Donc, vous dire la tonalité funky fresh du film. Ouais, je vois très bien. Ouais. Mais en tout cas, c'est sur Netflix. Et sinon, s'il y a d'autres films de Bertrand Tavernier, il y en a deux que je peux vous conseiller. C'est Le Juge et l'Assassin avec Michel Galabru et Philippe Noiret aussi, sur Netflix pareil. Et plus récent, il y a Capitaine Conan qui est sur MyCanal avec merde. Le barbare, c'est ça que t'allais dire, non? J'ai entendu Capitaine Connard à un certain moment. Et moi, ça me fait rire. Mais pas si loin, parce que Capitaine Conan, c'est l'histoire d'une bande de. En fait, ce que j'aime bien chez Tavernier, c'est que c'est des sujets pas forcément simples. Capitaine Conan, c'est l'histoire de soldats vers la fin de la guerre, pendant la première guerre mondiale, pas la deuxième. Qui sont un peu des héros de guerre, sauf qu'en fait, fin de la guerre fait que y a, dans le groupe de soldats, il y a vraiment des connards quoi, qui commencent à piller, à être violents, même à tuer des civils. Et donc, c'est un lieutenant qui doit juger ces mecs-là, alors que ce sont des héros de guerre, et donc c'est très difficile parce que, bah oui, ils se sont battus pour le pays, mais ils deviennent des merdes en fait. Et voilà, donc c'est des sujets super difficiles à aborder, mais c'est toujours du très grand cinéma. Donc, Capitaine Conan, en plus, c'est super récent, c'est 96. Si vous avez du mal avec les films anciens, ça peut arriver. Est-ce qu'on était nés, nous? Bah oui, 96. Moi, j'avais un an. Ouais, bon bah écoutez, voilà. Merci pour les recommandations. Mais voilà, mais parce que Bertrand Tavernier, c'est vraiment un grand cinéaste. Ouais. Et même vous pouvez lire ce qu'il a écrit, il a fait des bouquins, des documentaires sur le cinéma. En fait, on cite tout le temps Tarantino ou Scorsese en disant ouais, les cinéastes cinéphiles. Mmh. Et enfin, c'est vraiment Bertrand Tavernier qui était vraiment un mec qui aimait autant parler de cinéma que faire du cinéma. Moi, j'avais vu une masterclass de lui et vraiment, c'est un mec passionnant. Passionnant. Ouais. Donc, il y a et beaucoup passionné. Et passionné. Et donc, il y a beaucoup d'interviews de lui. Il y a beaucoup d'interviews de lui sur YouTube. Et je vous invite. En plus, là, avec sa mort, du coup, je sais qu'il y a Arte qui a partagé plein de trucs. Et voilà. Et si vous avez fait une première elle, vous avez sûrement vu La Princesse de Montpensier. Et voilà, c'est le genre de film qu'il a fait. Il a fait des films vraiment toute sa vie, donc c'est vachement bien. Bertrand Tavernier, je vous conseille son cinéma. En plus, on reste à peu près dans le même degré de sophistication que Animal Revolt Battle. Bah, la boucle est bouclée, disons. Disons qu'entre deux taverniers, vous pouvez faire une petite partie avec un cochon qui a des morts. Il disait allez-y, vous allez voir ce que je vais vous mettre à la tour de table de connard, là, vous allez voir. Ouais, c'est génial. Bon, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'ai tellement transpiré. Il fait un peu chaud. Dernier petit tour de table. Vous allez faire un bœuf après? Jamais. Vous avez jamais ou pas? Il y a Zaz qui arrive, je pense. Maxence, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? En Big Tough, là, je prépare. Non, mais tu prépares ton prochain album? Peut-être. Enfin, ton peut-être. Ah oui, c'est un secret? Non. Tu me dis si je t'en ai parlé? Non, c'est totalement. Non. J'ai pas dit que ce serait un album. T'as donné la prochaine EP. Peut-être prochaine. Fais de la musique. Une œuvre. Une œuvre. Je prépare une œuvre. Faut dire EP, je crois. Oui, ça va. En gros, je fais pas mal de chansons en ce moment. J'ai un projet plutôt dans la comédie aussi en ce moment. Bien sûr. Je ne sais pas quand ça sort du tout. Oui, car t'es comédien aussi, il faut pas oublier. Je suis aussi comédien. Bien sûr. Et j'ai. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. C'est un truc que j'ai envie d'explorer un peu plus. C'est vrai que j'ai un peu laissé de côté avec le temps. Et Léo Ferré. Quoi? Oui, avec le temps. Avec le temps, une chanson de Léo Ferré. Ah, bien joué, oui. Bah. Je l'avais en plus. Elle veut me. Parce que j'ai parlé de Tavernier, alors elle veut parler de Léo Ferré. Bah, c'est un concours de vieux entre toi et moi, finalement. Et voilà. Voilà, très bien. Pauline? En t'entendant le dire, j'ai joué dans un court-métrage, qui est quand même un truc assez fifou. Donc voilà, et je suis en train de finir mon album, mon deuxième, et je suis en train de faire un livre pour les enfants. Oh. Super. Après ça, je sais plus faire les doigts. Les doigts. Et donc il y a ça, et puis. Et le court-métrage, il est sorti ou tu viens de le tourner? Non, ils sont en train de le monter. D'accord, là. Ok, super. Titre. Et t'as fait la. Il y a une chanson de toi dans le court-métrage Fantasme tout d'Eléonore Coste, dans lequel je joue. Ah oui, bien tout sûr. Tout bien tu joues très bien d'ailleurs, mais je te l'ai déjà dit. J'avais offert un télibre à Ménias. Ça va adorer. C'est vraiment sympa. Quelqu'un a un autre truc gentil à me dire? Moi j'ai adoré ton premier album que j'ai découvert cette semaine et j'ai trouvé ça chambé. J'ai découvert 5 minutes avant que t'arrives. Non, j'ai tout écouté. Non, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Merci beaucoup. Je vous invite, c'est sur. C'est en stream, c'est sur les plateformes. N'hésitez pas à aller checker. Donnez-nous la SACEM. Julien, studio tout le temps en ce moment, donc plein de choses. L'EP est sorti cet été. Ouais, l'EP est sorti cet été, il est disponible. T'avais mal au ventre avant? Et oh là là. Mais comment on peut faire encore cette blague après tout? Bah, c'est beaucoup de pression. Elle est géniale. C'est beaucoup de pression avant que ça sorte. Désolé, on n'a pas assez parlé de merde et de cul. Mais c'est comme ça. C'est au final, c'est comme le jour où le disque dur a grillé et que t'as eu la chiasse, quoi. Pour le retour. Non, mais là, c'est juste. Mais on dirait une émission de Laurent Ruquier où il sort des trucs. Surtout que l'anecdote, t'as eu la chiasse, c'est deux fois par mois. Il aurait pu trouver. Je pouvais le dire au hasard. À n'importe qui. Quoi. J'aurais pu le rattacher à n'importe quelle information. Oui, c'est ça, vraiment. Et comment vous faites avec le son? Parce qu'on crie beaucoup. Les gens sont habitués. Les gens s'en foutent. Les gens savent que c'est de la matière. Ils écoutent de loin. On se cache derrière le fait qu'il n'y a pas d'argent pour dire que c'est produit à la merde. Voilà, c'est vraiment notre technique depuis 6 ans. Album en préparation et là on peut me retrouver en vrai sur Instagram, c'est là où je suis le plus en actif, vrai. Où je mets le je crois pas, il faut faire analyser cette phrase tu me fais des lapins avec ces mais on se met à mêler réalité et virtuelle, c'est fou. Non, par contre je partage plein de choses en vrai de bouts de, c'est même pas des bouts de morceaux, en vrai je partage juste de la musique, là j'aime bien des bouts de morceaux comme ça sans tu l'as eu aussi des bouts de morceaux sans faire trop gaffe, et en vrai j'ai plein de trucs en préparation là autre que l'album qui sont du bonus. Et voilà, j'en dis pas plus, mais ça arrivera au fil du temps. T'as l'air heureux en tout cas. Épanoui, ça fait plaisir, vraiment. C'est contagieux. C'est quoi vraiment? Autour de cette table, vous êtes tous très pétillants. Non, mais tu sais que tout à l'heure, on parlait pas comme ton Pepsi Max. On parlait de l'effet du confinement et tout. J'ai l'impression que avec tout ce qui se passait d'hyper dur et tout, j'ai voulu retrouver de l'amusement en faisant de la musique, vraiment, mais vraiment la notion d'amusement où je riais dans le studio, j'étais content. La chance. Et en fait, j'ai l'impression que je suis en train de faire l'album que j'aurais rêvé de faire quand j'avais 14 ans. Un album de puceau, quoi. Un album de puceau. Voilà. Et depuis, j'ai Ken. Du coup, l'album d'après sera nul. Voilà, c'est le seul détail. Adrien? Mais rien, bien sûr. Des projets, des envies, du côté de chez vous. Mais j'en ai marre de redire les mêmes trucs. De toute façon, il n'y a rien. Est-ce que tu veux qu'on te pose une autre question? Comme quel est le plat que tu aimes le plus cuisiner en ce moment? Parce que comme je suis une femme, on dirait le gars, tu sais, le ça va te blesser, vas-y. Le jardin. Ça peut pas finir gentil. Vous voyez cette vidéo du jardinier qui est dans la rue. Il a 50 ans minimum, vas-y. Ah oui, le mec. On exactement. Lui dit, je m'en fous. Ouais, je m'en fous de mes fleurs. Il y a que vos plantes qui vous tiennent à cœur. Non, même ça, je m'en bats les couilles. En vrai, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que c'était mon idole. Là, dans ce que tu viens de faire, il y avait un petit délire. Ouais. Non, mais ça s'appelle la dépression. Non, en termes de pétillance, on a. Il y a juste une électricité. En plus, tu peux même plus teaser Derby Girl. vu que c'est sorti. C'est sorti. C'est sorti. Peut-être qu'il y aura une... J'en reparle. Allez voir. Mais non, et Twitch, Twitch, t'es quand même souvent sur Twitch. Je te lance des perches pour que les gens. La bonne auberge et ton Twitch personnel. Voilà, mais donc voilà, merde. Non, mais je dis la même chose tout le temps. Mais moi aussi, je dis la même chose. On vraiment le voir sur Twitch. Est-ce que t'en as marre que les gens t'envoient. Tu regardes sur Twitch ? Ouais, de temps en temps. Tu parles pas ? Si ? Je regarde, je suis partie de la communauté silencieuse. Moi, je reçois des notifs aussi, mais je regarde souvent en replay. Comment ça marche. Non, mais c'est pas grave. Je regarde très souvent en replay, moi, les Twitch. Ça. Oui, ça vous pouvez. Pourquoi vous avez tous des masques? Non, on va t'expliquer. Il s'agissait du flow de cast.